Hello, my name is Samuel L. Jackson, and right now, this is PowerCast, motherfucker. On the road to Babylon, I was thinking of Babylon. Babylon, Antichrist, and the dead of the Christ. Babylon, Antichrist, and the dead of the Christ. Babylon. Le PowerCast. Le PowerCast. C'est la musique d'intro du PowerCast et on est parti. Bonsoir à tous. Bienvenue dans PowerCast, l'épisode 2 sur l'année 2008. Aujourd'hui, je suis avec Jules. Salut Jules. Bonsoir. Ouais, on l'applaudit. Un grand plaisir. Merveilleux. Il est magnifique, il est très connu. Absolument. Nous sommes également avec Clément Robert. Ouais, c'est moi. Je l'applaudis un petit peu plus. Ouais, un petit peu plus. Plus de cheveux, plus d'applaudissements. Oui, l'applaudimètre, Théo Surac. Oui, Théo l'invité, voilà, salut Théo. Ça me fait plaisir les couilles. Théo, Théo, on te connaît pour quoi? J'ai envie de te dire moult choses. Le rôle de Eustache Passoire dans une web-série pas finie. Si vous aimez le Cinoche, courez-y. Une interprétation qui fout les jetons. Et on est avec Léo Riemann. Salut Léo. Bonjour Léo. Bravo. Et moi j'ai que demain, normal, ma vie est une déception. Ça va vous? Super. Bah nous ça va. C'est gaz. Voilà. J'espère que ça va sur le chat. N'hésitez pas à parler. On est là pour. Ça va pas ouf, on est là pour parler. Ouais, clairement, je pense. Moi aussi. On peut segmenter un petit peu. Parler de 2008, c'est la merde. Libre-toi. Oui, on peut le dire. On est là pour ce livrer. C'est vraiment le moment. Mais que des trucs de 2008. Donc si t'as des trucs pas ouf de 2008, tu le Mais j'invite aussi vraiment les auditeurs à parler de fond. J'ai vraiment envie de recenser un petit peu ce qu'ils ressentent. Comment ils se sentent. Ils sont là tranquillement avec leur pyjama. Peut-être demain au travail. Comment vous êtes là? Est-ce que vous êtes sous vos draps? Est-ce que vous êtes nu sous vos draps? On peut la refaire. Oui. Est-ce que vous êtes sous vos draps? Est-ce que vous êtes nu? C'est relâché délicatement par l'affirmative. Qui goût licorne pour Soline? Yes. Alors, donc, on va présenter l'émission. Donc, ce soir, donc, l'émission, c'est sur l'année 2008. C'est ça, Jules. Donc, dans ta phrase. Oui. J'aime beaucoup. Pas champion du monde cette année. On n'était pas champion du monde, c'est vrai. 10 ans avant, on était champion du monde, mais pas cette année-là. Alors, qu'est-ce qu'on va, du coup, Jules? Bah, explique-nous. Redis le concept un peu. On n'a pas encore présenté les invités un peu. Oh, ça va les zigotos? Non. On n'a pas encore présenté les invités, mais tout au long de cet épisode, nous aborderons tout ce qui est sorti en 2008. En termes de films, musique, séries télé, j'ai entendu un toast. Non, c'est moi qui ai bu ma bière. Ah, alors, absolument pas, j'imagine que ça n'intéresse pas franchement, Jules, nos auditeurs. Du calme. Alors, du coup, voilà, films, séries, jeux vidéo, etc. Musique. Et on va en parler ensemble, oui, musique autour d'un jeu. Et on va commencer par présenter de façon sommaire les invités, puisque après suivra la rubrique. J'ai pas prévu de musique. Ah bah tu fais la même qu'avant. Okay. Moi je veux du Britney Spears pour me présenter s'il vous plaît. Très bien. Je vais le préparer dans mon coin. Et bon, on va commencer par toi Britney. Alors présente-toi Britney, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Ah bah je chante, je danse, je vis la vie quoi. Check mon boule. Le boule. <bouffe. rire> Non, tu es étudiant dans la même école que nous. Vous l'étiez précédemment, nom, voilà. On va faire placement de décidément, produits. Décidément, on n'invite que des gens de cette école. Hein, c'est vraiment un partenariat. Année en filière image. Exactement, il me reste à peu près un mois et demi de cours en vrai. Et après, c'est le grand plongeon dans le monde dans lequel vous vivez désormais. Le chômage. Celui du chômage. Le capital à la capitale. Oui. voilà. Théo, je fais des films quoi, je fais des films. Théo de Le Surac, je te mets une particule parce que tu trouves très noble. Absolument, c'est un petit peu comme Cyrano de Bergerac, c'est le même coin, si tu veux, je l'ai bien connu, ses descendants sont assez sympas, un est un peu plus petit. Le terrain est également là, c'est signe de l'Occitan. Bon, bah écoute, moi j'ai également fait le si c'est à rappeler. Oh bah le con. Il a cité le nom. On déconne. La Phénix, la JPO. L'art n'est-il pas partout? Mais je le sens. Alors, juste avant qu'on commence l'émission, ces deux zigotos là, ça va beaucoup fuser, donc on vous prévient de vous accrocher. Alors, fuser n'est pas le mot. Non. Si tout le monde a lié objectif lune de Tintin par exemple, ils ont fait deux blagues. On applaudit. Non, je déconne pas ça. Non, clairement pas. Et puis c'est un peu dangereux aussi d'annoncer une déferlante de LOL. Maintenant il y a la pression quoi. Parce que ouais, ouais, les gens vont être extrêmement déçus. Ouais. Parce qu'en vrai, alors par contre, si oui, alors on fera une. De la pub pour vous à la fin de l'émission. Voilà, on reviendra un peu sur tout ça. La pub pour nous, mais pour. Bah, pour le projet du moment. Ah bah, Théo, on sait qu'il est surbooké, du moment. Il est un peu. Non, mais on en parle pas tout de suite. Attention, on garde pour la fin. Ah si, si, on non, mais. Garde ouais. pour la fin. Ah, attention. Alors, oh, oui, on me fait penser que j'ai pas oublié. J'ai oublié de mettre les photos. Donc, je vais les mettre maintenant. Je vais les afficher. Attention. Suite. Est-ce que tu peux me mettre. Non, j'ai rien dit en fait. Je t'avais déjà. Attends, parce que j'avance un peu. Eh bien, pendant que tu mets les photos, moi, je vais peut-être lancer la rubrique Fist and Curious, qui est un espèce de Fast and Curious. Personnalisé pour vous messieurs, pour apprendre à pour que les gens sachent un peu qui vous êtes. Un peu musique. Il y a un buzzer. Non mais c'est, on va passer d'abord à Théo. Aka voilà. Le Fourmilos. Yes. Le Fourmilos, c'est Bill du Black Deal. Pong. Voilà. Quoi? Pardon. Il y a Bill du Big Deal. Quoi? Non. Oh putain. Non mais en fait il va te poser deux trucs, tu choisis. D'accord, tu d'accord. Sais oh, que non, très tu bien, connais ouais. le principe. Mmh. Ok, cool. Je vais faire une petite musique histoire de mettre l'ambiance. C'est très bien, c'est guiré, ça me plaît. 3, 4. Théo Surak, Aka le Fourmilos, Gainsbourg ou Bowie? Grande question, je dirais Beau comme Bowie, écrit par Gainsbourg, qui réunit un petit peu les deux, mais je dirais Bowie tout de même. Qu'est-ce que je coche dans ma liste? Alors, tu coches Lulu Gainsbourg, le fils de Gainsbourg. Non, non, on va cocher Bowie naturellement. Très bien. Jacques Chirac ou Patrick Chirac? Oh, quelle tentation. C'est combiné ou quoi? Avec plus de fils et de curus. Je dirais que ce qui manque à Jacques Chirac, c'est le slip de bain, donc Patrick. Patrick Chirac. Très bel argument. Musique ou cinéma? Je dirais musique. Jean Rochefort ou Fabrice Lucchini? Oh. Lucchini. Mais attends, qu'est-ce que je te raconte? Jean Rochefort, l'astico. À Baguise. Mais il est vivant. Absolument. Il est revenu dans enfin, vous êtes revenu, vous étiez mort l'an dernier, est-ce non tu peux, est-ce oui, que oui. tu peux développer un petit peu ça, vous allez bien, monsieur Rochefort? Alors, développer un petit peu... Vous avez moins de moustache. C'est-à-dire que tu m'emmerdes et me dis... Voilà, ça c'était un petit peu développé. Non, non, non, mais c'est une grande figure. C'est... Moi, ce que j'adore chez Jean Rochefort, c'est cette éternelle jeunesse. Bah, là, c'est clair qu'il a une éternelle jeunesse. Là, pour le coup, elle a été éternalisée, oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais voilà, c'est ce que je dirais. Puis Fabrice Lucchini, il braille, on comprend rien. Bon, ok, on continue. Très... Allez, on y va. Trop long. PlayStation ou Switch? Ah, Red Dead Redemption. Donc PlayStation. PlayStation. Très bien. Passé ou futur? Si je dis passé, c'est un petit peu. Oh, bah, faut aller de l'avant, l'astico. Donc je vais plutôt dire futur, non, naturellement. Tu peux t'inspirer du passé, sans problème. Oui, mais bon, on va de l'avant, de toute façon. Le passé se meurt, tu m'as posé une question au passé, là, déjà. Rythme ou mélodie? Rythme ou mélodie? Je dirais ce qu'est en train de jouer Clément Robert. C'est pas mélodie, hein. Mélodie. Mélodie, Nelson. Bien, hein. C'est la fin de ce traité, bravo, merci. Waouh. Il s'applaudit. Il mérite des applaudissements. Pourquoi? On passe tout de suite à Léo Lebeau. Enchanté. Léo Lebon. Je reprends le même. Tout est préparé. C'est que celui-là, tu le connais sur le bout des doigts. Bah non, j'arrête pas de me planter. C'est trois notes. Allez, go. C'est parti. Léo Le Blanco ou Anatole Talent? Oh mon dieu. Alors, Le Blanco me faisait beaucoup rire, mais. Anatole le Talent est plus poussé. Ouais, je suis d'accord, ça va beaucoup plus loin. Pizza ou burger? Oh, pizza. Gryffondor ou Serpentard? Ah mon dieu, ni l'un ni l'autre, Serre d'Aigle. Oh, le mec, autant de débiles, là. Oh mon dieu, mais quelle famille. Gryffondor, ils se la mettent, Serpentard, ils sont vicieux, moi ça va, je me casse. Hein, ni la droite, ni la gauche, ni la droite. Non, et pourquoi pas Poufsouffle, alors, du coup? Parce qu'ils sont un peu... Alors moi, je suis chez Poufsouffle. Moi, je suis aussi chez Poufsouffle. Vous êtes chez Poufsouffle. Non, mais vous êtes gentil, hein, vous êtes loyaux. C'est pour ça que j'ai joué à la Dervouka au début, d'ailleurs. C'est ça. Il joue de la Dervouka, mais... Après, tout le monde n'a pas vu Le Seigneur des Anneaux. Hein, donc... Ah oui, attends, est-ce que je peux me permettre de faire des petits crédits, du coup? Clément, ukulélé, Théo Surak au chant. Léo au silence. Léo n'a pas chanté. Léo qui est là, mais bon... Oula, ça va. Pardon, excusez-moi, je faisais de la pub. Tu peux arrêter de répondre à. Ouais. Je faisais de la... Allô, le geekos, la couleur du bon, soleil, tu connais ou. Bon, non, je suis pâle comme un cul, oh. Allez, on va. PC ou Mac? Cui. T'as plus con. Linux. Non, bah. Ah là là, je suis invendu, j'ai un Mac. Tu es moi. Ah non, t'as droit. La musique s'est arrêtée, je meurs. Star Wars ou Harry Potter? Star Wars. Ah ouais? Ouais, ouais. Beatles ou Rolling Stones? Beatles, de loin. Pixar ou DreamWorks? Ouais, c'est compliqué. L'imitation de Eddie Murphy. Il a soufflé. La voix est morte cette semaine. Ah oui, c'est la... Une minute de silence. La voix de Secret Story. Ici la voix, je suis dead. Je dirais Pixar. D'accord. Parce que j'ai de meilleurs souvenirs récents avec eux, mais après c'est un peu genre. Oh, oh là là là, belle note de fin. On va pouvoir maintenant passer, si je ne m'abuse, au thème. C'est pas les recos. C'est les recos. Je suis d'accord. Est-ce que je peux poser deux questions, par exemple? Il y en a une qui sera un petit peu plus technique. Ocarina of Time ou Breath of the Wild? Ah, oula. Ocarina of Time, quand même. Ocarina of Time, tout de même, tout de même. Et puis année de naissance. Et puis déjà, Coupe du Monde. Majora's Mask pour rester dans Zelda, il y a une compétition ou pas? Stadium. Avec Ocarina. Oula, non, ils sont... Tu vois, si j'étais sur Fortnite, ils seraient top 1. Je suis vieux, alors que j'ai 20 ans. Oh, j'ai juste une dernière question pas beaucoup, de première importance. Sont les ballons. Est-ce qu'il y a du sel quand tu prends des céleris avec des carottes, mettons? Qu'est-ce que tu préfères pour ton salé à la même consistance? Oh bah, les carottes. Oh putain, le salaud, je savais. Alors, on va passer au reco de chaîne YouTube. Alors, est-ce que vous avez sorti de vos petits grimoires des petites chaînes que vous aimez bien? On écoute Léo, vas-y Léo, on te laisse parler. Attends, on le laisse parler, on ne l'interrompt pas. Oh, mais je l'invite. Ok, très bien. Moi, il y a une chaîne que j'aime tout particulièrement qui commence un peu à se faire connaître. D'ailleurs, je crois qu'elle a dépassé 100 000 genre ce week-end. 100 000? Ouais, mon gars. Pas de mauvaises infos. Ça fait un stade de France ou quoi? Non. Oui. C'est Alt236. Je connais pas du tout. C'est beaucoup trop bien pour être expliqué. C'est un mec. On passe à Théo alors. Non, mais c'est Alt236. C'est un mec qui fait ça. Il est pas face cam, c'est juste une voix et il parle d'art, de sujets un peu dark et. De l'art un peu caché, et il parle de fin... Oui, vas-y, Clément. Si on tape Alt236 sur un clavier, ça affiche quelque chose ou... Non, mais tu sais, c'est les fameux trucs... C'est vraiment de ça que ça vient. C'est-à-dire quand tu fais Alt236, t'as le signe infini qui apparaît. Putain, je savais que c'était deep. Je savais que c'était un truc. Voilà, deep et c'est ouf. C'est ça. Moi, j'ai une reco aussi. Si vous faites Alt0201, ça vous mettra un E accent aigu majuscule. Voilà. Ça peut vous servir. Il vient de résoudre un des plus grands mystères de la vie. Le grand codeur. Commencez par. Alt236, c'est super bien. Il faut être un peu accroché. Il y a certains trucs. Ça, par exemple, ça parle de body horror. T'as des images un peu trash. Au-delà de cet épisode, c'est hyper intéressant. Et ça parle. Ouais, beaucoup de cinéma aussi, faut bien aimer ça. D'accord. Et puis de manga un peu plus dark. Je suis très mauvais à ça. Hein. Pour recommander des chaînes? Ouais. Bon, écoute, alors que par exemple. T'es le meilleur. Théo va nous parler. Mais non, c'est très bien, Léon. Je note, c'est très intéressant. Parle-nous. Moi, il y a un jeune youtubeur qui m'intéresse beaucoup. Je commence à suivre. Il s'appelle Squeezie. Yes. Allez, la blague est faite. Voilà. Il a 100 000 lui aussi. Il a 100 000. Je crois qu'il a 75 000. Ouais. Nulos. Bon bref, non, moi j'avais une chaîne aussi qui s'appelle Balade Mentale. Et c'est pas parce que je suis malade, je dis pas malade mentale. Hein. Je précise. Bah c'est marrant. Mais moi je m'enfonce bien comme ça, après je vais faire une petite pause caf. Hein. du coup, non, c'est très intéressant, c'est plein de sujets très variés. C'est de la science, l'astrophysique, la philosophie, dit avec poésie, c'est plein de sujets très... Enfin voilà, c'est un peu dur de résumer ça. C'est un peu des questions de culture générale qui sont pas très utiles, mais passionnantes. Voilà. Ok. Il est bien meilleur. Ouais, il est bon et en plus il donne des trucs super sérieux. Il a chié dessus. Si tu veux, pour le faire passer, tu fais deux blagues de merde avant. Ouais. Et après, ça va tout seul. C'est un bon conseil de comédie. Okay. Bon, bah, je fais une imitation de Michel Leb et je donne une autre chaîne comme ça. Oui, clairement. Et j'en profite, je pense qu'on. Je me rappelle qu'on a oublié de parler quand on a fait la présentation de l'émission des interruptions imitation. Ah oui, c'est vrai. On le fait maintenant. Pourquoi l'introduire? Ça aurait été bien plus drôle qu'il y ait... Moi, je préfère que les téléspectateurs soient au courant. Les gens soient sur leur garde un peu, tu vois. Voilà. Ouais. Tu t'as dit qu'ils crèvent, voilà. Mais qui, le bateau? Et donc, à tout moment, n'importe qui peut dire « Fais 5 secondes de machin, imitation de Le Pen. » Ok. Manque d'inspi. Ouais. Je vais vous parler de ma reco chaîne YouTube. Alors, ma reco, si Freddy, je peux me permettre. Oui. Non, mais c'était ça. C'est... Réaction. Ah ouais, il fait une chaîne YouTube maintenant. Non, pas du tout. Non, c'est Jimmy Magardo, ça s'appelle. C'est un Français qui fait de la musique. Et alors, il a plusieurs concepts. Il a un concept. Je suis dessus, hein, c'est pour ça que je regarde mon portable en même temps. Il a un concept qui s'appelle 30 mots. Ouais, alors très peu d'ASMR s'il vous plaît pendant que je parle. Bah quand même. Qu'est-ce qu'il bouffe? Ah, oui, chez Léo, il mange des petits gâteaux. Il a un concept qui s'appelle 30 mots, où en fait il demande 30 mots à son public en gros, et il fait un rap en incluant ses mots. Donc voilà, c'est un concept qui est assez... pas très original, mais en vrai il rappe très bien, et en fait il fait tout du début à la fin, que ce soit les instrus, etc. Et il rappe très très bien. On a aussi un concept qui s'appelle... Alors là il en a fait que 3 pour l'instant, c'est Nuit Blanche. C'est en gros, il passe toute une nuit à faire une musique, et le lendemain il fait un clip, et voilà, en une nuit il a fait une musique. D'accord, ça, c'est cool. Ouais, un gros défi. Ouais. Et bref, il fait plein de trucs. Il a fait aussi des mashups entre par exemple entre Inception et Le Bon, la Brute et le Truand, tu vois, et qui est super cool. C'est deux, il mélange deux musiques et c'est super bien mixé. Voilà, Jimmy Magardo, il a très peu d'abonnés, genre 70 000, je crois, un truc comme ça. Bon, c'est quand même... Non, 20 000, pardon. C'est quand même beaucoup plus que ma chaîne YouTube, mais bon, allez voir Clémo TV sur YouTube. Et on va passer à Jules. Vas-y, Jules. Alors moi, c'est une reco qui n'a pas de concept original, mais en fait, je vais simplement recommander un de mes YouTubeurs préférés, parce que en fait, c'est un testeur de jeux vidéo qui s'appelle Atomium. Il n'a pas tant d'abonnés, tu le connais? Bien sûr. Il présentait... Voilà. Nul comme anecdote. Non, moi, j'adore. Quasiment max. C'est bien. Voilà, en fait c'est un testeur, voilà, rien d'extraordinaire, mais il a vraiment un historique fou du jeu vidéo. Il connaît tous les jeux, il a mis les mains sur tout, et surtout il est super honnête, et en fait il a la chance d'avoir une communauté assez genre chaleureuse. C'est pas il n'y a jamais de clash ou de trucs comme ça, et c'est vachement apaisant en fait quand il fait des lives, ça tu vois, c'est un nuage. Il est trop heureux en fait de découvrir des jeux tout le temps et de découvrir des choses différentes. C'est pour ça qu'il se tourne vers le jeu vidéo indépendant, et il fait toujours découvrir plein de petits jeux super intéressants à joli, à pas cher. Voilà. J'y pense, une dernière chaîne. Parce que c'est vraiment... Arthur a fait la même chose la semaine dernière et t'es à sa place. C'est normal, Arthur, j'espère que tu m'entends. Je t'aime. C'est beau, c'est beau. Non, une chaîne qui s'appelle La Veillée. C'est un truc qui a été lancé par Patrick Beau, qu'on connaît sous le nom d'Axolot sur YouTube, qui est aussi beaucoup trop bien si vous ne connaissez pas. Et en fait, La Veillée, ça prend place tous les 3-4 mois. Et en fait, ce sont des gens à Paris qui se réunissent dans un théâtre devant un public. Il y a une dizaine de personnes qui passent sur scène tour à tour. Ils ont 15 minutes chacun pour parler d'une expérience de vie qu'ils ont vécue. Ouais. Alors dit comme ça, ça paraît un peu bancal et banal. Et en fait, il y a des gens qui racontent des trucs incroyables. Et c'est hyper passionnant, et en fait c'est magnifique de voir l'émotion prendre leurs mots et qu'ils se laissent porter comme ça. Et c'est des gens qu'on dirait, c'est n'importe qui, tu vois, ça peut être des gens dans la rue, on a l'impression, et hop, et ils ont un truc de fou. Et ça qui est trop cool, c'est qu'il invite en même temps des gens super connus comme Bernard Werber, et puis il invite le mec du coin de la rue. C'est ça, exactement, c'est un truc à raconter. C'est trop beau. Dans une ambiance cheminée, d'ailleurs. On recommande La Veillée, tout à fait, c'est très très bien. Waouh, on a pas mal l'ambiance d'un coup. On a plus de jus là. On va passer au thème normalement. Oui, selon le conducteur, très bien rédigé. Alors, c'est lui. Donc sur cette année 2008, nous avons eu une belle chier de films. Alors si oui, c'était une très très belle année au niveau des films. Notamment de super héros. Je vois aussi, je vois plein de choses de tous bords, notamment des films pas très bien. Pas tous. Je vois que t'en as rajouté. Ouais, j'en ai rajouté. Très bien. 3, ouais. Et on commence avec Iron Man en 2008, bien sûr, qui marque la création du MCU incarné par Robert Downey Jr. Est-ce que vous l'avez vu, vous? Oui. Vous en rappelez? Vous étiez allé le voir au cinéma? Oh là, pas du tout. Parce que vous étiez jeune, moi. Toi Léo, t'avais 10 ans, toi Théo 11. Non, toi t'es allé le voir, Théo? Tu l'as déjà vu? Je crois que j'ai vu des bribes, mais je ne l'ai pas vu, non. Ah d'accord. Ouais, c'est ça que c'est peu ma culture. En vrai, il était pas si mal pour un lancement. Après, je trouve le MCU un peu décalé. Il y a certains films qui ont mal suivi. On va y venir d'ailleurs avec pas le prochain film, mais on reviendra dessus. Qu'est-ce qu'on a eu? On a eu The Dark Knight. Par exemple, on parle de film de super-héros, c'est le meilleur. Voilà. Exactement. Il serait très bien. Ça sert plus à rien. On est bien là-haut. Jean Rochefort, du coup, je le dis peut-être maintenant, Heath Ledger est mort en 2008. Du coup, aussi, c'est une des morts de célébrité qu'on vous a contacté. Parce qu'on a une rubrique. Vous avez fait un menu. Il y a une célébrité qui est morte en 2008 qu'on attend avec impatience. Mais on pourra pas écouter ça. On parle après. Est-ce que vous avez aimé le reste de la trilogie Nolan d'ailleurs, ou vraiment The Dark Knight c'est un standalone? Enfin, vous trouvez que c'est le seul bon film, ou genre, le reste? Batman Begins lance très bien The Dark Knight, c'est un très bon début de trilogie, tu vois. The Dark Knight est parfait, et The Dark Knight Rises, c'est une chier de merde dans un océan de petits pets. Tu vois, ah ouais, à ce moment-là carrément, tu détestes un... Non, je... c'est pas que je déteste, c'est que je trouve qu'il est pas si mal. Mais genre rien que le début, la scène dans l'avion, enfin mec, pourquoi tu te prends la tête comme ça? Juste capture-le avant qu'il monte dans l'avion. Tu te fais moins chier c'est déjà pour faire du spectacle. Oh le mec, il adore le spectacle, le gars. Oh, il brise la table comme ça, on t'entend en alors c'est bon, genre. Pas de te la péter. Non, il y a il est pas mauvais. Mais je trouve qu'il y a plein d'incohérences et qu'après The Dark Knight en même temps c'est enfin je sais pas. Bah là, notamment le twist, enfin pas le twist de fin mais il tombe un peu comme un cheveu sur la batte soupe. Ouais, si c'est ça. Oh c'est joli. N'hésitez pas à réagir sur le chat hashtag The Dark Knight, hashtag batte soupe. The Dark Knight, tu zappes, tu battes. Mais tu sais que normalement la suite de The Dark Knight ça devait porter sur le procès du Joker. Oui, et qu'ils ont pas pu le faire parce que Sledger est mort. Non, mais il est con lui. Et putain, le salon, il était sous contrat, type. Il a pas pensé ça. Il a tout chié. Il a bien mis dans la merde. C'est un peu égoïste de sa part, je trouve. Putain, égoïste. Bon, je rigole. Ensuite, on a eu Spider-Man 3, assez mal reçu. Moi, franchement, je l'adore. Moi, je l'aime bien. Je l'ai revu récemment aussi. Je suis content de pouvoir le dire. Ça y est, on est entre nous là. Tu sais, que des vidéos de critiques ciné, etc., et de gens qui en parlent. Spider-Man 3, mais c'est de la chiasse, mon gars, après tout ce qu'il a fait. Oh, la scène où il se la pète, où il est méchant, elle est nulle. Moi, je suis en mode, mais non, il danse, c'est trop bien, c'est trop marrant, elle est trop cool. Tobey Maguire qui fait un petit déhanché de salsa, je veux dire, ça met dans la chaumière. Il danse, la figure de l'araignée, c'est quand il est par terre. Double tempo. Non, vraiment il était cool, moi, je le 3, super moi, bien et Venom était pas franchement, si nul, moi, je trouvais il était trop bien, moi je le trouvais bien enfin pour une première adaptation au ciné de Venom elle était trop cool. Après t'as une scène une scène Matrix où les deux personnages tombent, Venom et Spidey qui se fight, et je la trouve très mal faite avec le recul horrible. Ouais, horrible, bon, moi j'avais 10 ans, c'était super beau. Moi ça me faisait rêver toute cette fin homme sable Bouffon Junior Venom machin, c'était incroyable. C'était la réunion du Bouffon Vert fils avec Spider-Man, quoi, une grande amitié. Ouais, ouais, au dernier moment, non, c'est quoi la seule participation de Théo derrière, si tu m'abuses. Tous les films. Non, mais Théo, c'est le Stéphane Bern de Powercast, tout ça. Il sent le mec. On va parler un peu de l'histoire de Spider-Man. Alors, parle-nous de Stan Lee. Alors, bonjour et bienvenue. Secret d'histoire. Spider-Man qui possédait un velours. Le premier augure. On me demande 5 minutes de Stéphane Bern. 5 minutes, ça fait 5 minutes de Stéphane Bern. 15 secondes. Oui, minutes, wow. On se relaie, les gars. 15 secondes. Oui, sur la comtesse du Barry. Oh, les gars, on fait tous 1 minute et demie, puis c'est bac. Vas-y, Théo, vas-y. Non, vraiment, il faut que je me malaxe le gosier un petit peu. Laissez-le parler. Bonjour et bienvenue, merci de m'inviter sur Powercast, ça me fait un bien fou. Et on va voir ensemble justement comment partager un moment de pleine extase, car... Catherine comme elle dit, j'y reviens toujours, mais... Il fait un AVC. Ma pomme d'Adam fait l'ascenseur, le vertigo, dans le gosier, oh non. On dit que ça ressemble plus à Edouard Baird. Un petit peu, c'est vrai. C'est vrai, un peu. Oui, on pourrait le dire. Mais tu sais, mais ça va déjà super bien à dormir en fait. Quoi? Il a même, non mais sans déconner, il a même la pose, je sais pas si tu as vu dans la vidéo quand c'est la radio, mais il est pareil. Posé. Il m'a piqué ma personnalité, le salaud. Ensuite, on a eu Hancock. Ah, oui, d'ailleurs, non, j'en ai raté un, mais on a eu Hancock. Voilà, on dit Black Panther, super-héros noir. Bah, il y avait Will Smith. Oui, mais parce que c'était un bon film aussi, quoi. Will Smith, il est pas noir, peut-être. Ouais, mais il est scientologue. Hancock était pas. En fait, moi, quand je l'avais vu, j'avais vu au cinéma. J'avais trouvé ça cool parce que j'avais 11 ans. Et je me dis, ouais, les films de super-héros, c'est ouf. Surtout cette année-là, tu sais, on en avait plein. Ouais. Et en vrai, là, je l'ai revu il y a pas longtemps et c'est pas fou, en fait. C'est genre, t'as une histoire avec ça, son ex. Ouais, en fait, c'est la deuxième partie qui prend tout un autre sens. Ouais, c'est ça. Non, moi, j'ai pas détesté, mais en fait, genre, il y a sa sœur, je crois, la méchante du film, c'est sa sœur qui a les mêmes pouvoirs. Non, il se la tape, donc j'espère que c'est pas sa sœur. Ah, ouais, non, c'est pas sa sœur, c'est peut-être son ex alors. Oh, c'est vrai qu'il était pas ouf. Ça valait le moustique là derrière, il se marre derrière leur micro. En fait, j'ai jamais vu. Voilà, les prépare un petit sketch. On en dit pas plus. Le mec, il tease pour rien. Ils ont rien prévu. Ils m'ont regardé avec des grands yeux. Ou peut-être qu'on fait croire. Qu'on a eu, qu'on a parlé de Into the Wild. Non, on l'a pas dit. Il y a Into the Wild aussi. Mon Dieu. Alors, peut-être Théo. Sean Penn. Théo va nous en parler. C'est parti. Je vais parler d'Into the Wild. Alors, j'ai 30 secondes image par image, c'est ça? Non, ok, bon. Quoi? T'es libre. Non, la première fois que je l'ai vu, j'étais assez jeune, je crois, que j'ai vu en 2008. Et. 5 secondes de Into the Wild. Il m'a un petit peu. Là, c'est le sang. Il va y avoir un bouquin comme ça. Bah, la fin. Il est très perturbant, disons, que tu te projettes un petit peu. Parce toi-même qu'il est et chiant. Tu dis que. Oui, aussi, enfin, c'est vrai qu'il. Non, mais. il est... Ouais, je suis le petit diable qui sort ton épaule. Il est froid. Après, c'est tragique, forcément. Mais... J'ai trouvé la fin hyper badante, moi. Ouais. Vraiment, t'as été une espèce Parce qu'il a la chiasse, t'as jamais eu une gastro ou quoi? C'est son mouflon. Pour un petit spectacle, quoi. Il a mal fait que les mouches qui sont... Allez, une blague sur le caca, ça commence. Yes, nous sommes à 25 minutes 45. C'est bon. Qu'est-ce qu'on a eu ensuite? On a eu Wall de Disney. 5 secondes de Wally. Bah, c'est vrai. Oh. C'est pas... Ah, Wally. Qu'est-ce qu'on a eu? Wally, c'est quoi? C'est Pixar. On peut rester sur Wally. Ouais, parce que les bons Disney, c'est Pixar. Ouais. C'est... Oh, c'est lui alors. Allez hop, il y va. C'est vrai. Et... Tout le monde en prend pour son marteau. Il sort sa faucille, son marteau, pipouf. Oui, Wally, ouais. Ah, Wally, il nous a marqué en bien. Non, mais il est marqué en alors, j'ai pas vu. Wally, un petit robot, est le dernier être sur Terre. Merde, pardon, je t'ai coupé le. Oh, tu peux lire tous les synopsis, mais rater des films. Oh putain, là, non, il est un peu long le synopsis. Tu peux aller voir les commentaires Amazon de ceux qui ont acheté le Blu-ray de Wally. Fais-le dans le micro. Peter Gabriel. Je vois des c'est lui qui a fait le monde de Nemo et Toy Story, donc c'est bien d'accord. Du... Donc plutôt une. Ah, une belle, je connais, il fait du un très beau. Bon une belle armure d'Oscar, plutôt. Oui, voilà, c'est dans ça. Sa vitrine, une bonne qualité. On a eu. Alors, attention, accrochez-vous bien. Bienvenue chez les ch'tis. Oh non, mon dieu putain, quelle année Comme cette idée me surprend. La médiatisation de l'inceste et de ces voilà. régions où elle se pratique. Il se pratique un inceste. Une inceste. Ah. Un mauvais film par contre. Honnêtement, il a fait combien d'entrées déjà? 14 millions. Beaucoup trop. Bah, c'était le record à l'époque. Ça, oui. C'est le record. Le pire, non mais il y a quand même un truc avec ce film qui est incroyable, c'est que le truc a été exporté internationalement. Ouais. Et comment elle blague comment elle fonctionne la blague de l'accent ailleurs? Écouter en version anglaise. C'est ça, genre, version anglaise. Est-ce que t'as un anglais qui se met pas avec un accent ch'ti? Mais tu fais quoi? Tous les pays ont un peu leur pays du Nord avec des accents, genre le Texas. Oh, l'Espagne, ils ont les Catalans. Ouais, tu vois, je sais pas si. Les Espagnols, ils ont les Bardelas, puis il y a des gens qui vont faire des films nuls là-bas d'ailleurs. Est-ce que Danny Boone a doublé tous les persos en ch'ti dans toutes les langues? Justement, quand t'as un truc par rapport à une langue dans un film en VO. Et que après le film est traduit dans la langue, ça change dans Spider-Man 3 justement, on y revient. La scène où Peter est au resto avec Mary Jane là, ouais. Pour lui, il me tient la tête l'autre. Et il veut lui faire sa demande en mariage. Il est dans un resto. Ouais. Je crois que c'est un resto français justement dans la VO. Et si vous avez vu le film en VF, ça devient un resto italien. D'accord. il joue au guignol. Je dessine avec Théo. On est en train de se draguer. On apprend le siamois. Quoi, le siamois? Ça n'a pas de sens. La langue des signes? La vie a-t-elle un sens? La langue des signes. C'est le très beau oiseau. Bon, on continue. Ensuite, il y a eu Twilight. Ouais. Ladies, keep your Twilight 1. En vrai, honnêtement, Twilight 1, il est bien. Moi, ça va. Moi, je l'ai pas vu. Il est pas mal. Non, mais moi, je m'en fous. Oh, je suis préféré. Donnez-lui trop là, on est vite. Sans déconner, ceux qui suivent sont pas bien. Mais le premier, je trouve qu'il y avait de super bonnes intentions. Oui. Moi, le premier, ça va. C'est une histoire d'amour. C'est un peu banal, mais. Ouais, et puis il y avait de bonnes idées de mise en scène et tout. Ça marchait plutôt bien. C'est vrai. Et après, bon, voilà, ils ont un peu trop poussé le mode. J'aime pas les scènes d'action, les ralentis, les trucs dégueulasses et tout ça. Mais je dis pas qu'il est énorme non plus, mais il y avait de bonnes intentions, quoi. Ça marchait et bien. Et attends, j'ai une slow-mo question. Partout, ouais. Vous préférez Edouard ou Jacob? Même s'il a un nom un peu. Moi, mon côté Lugaru me ferait dire. C'est vrai, dès que je l'appelais Lune, il y va. Alors, Kypes dans le chat peut confirmer, enfin, s'il te plaît. Putain, c'est gênant, on dit rien. Ensuite, qu'est-ce qu'on a eu? Mais c'est qui parle en ton nom en fait sur le chat? Moi je croyais que c'était toi, mais en fait c'est. Jules, il parle en diagonale. Il y a Solène qui a mon compte Twitch. Je vois pas qui l'autre. Il y a Team Jacob dans le chat là. Solène, pourquoi t'as changé de. Non, en plus elle a pas changé de. C'est trop bizarre. Bon, c'est pas grave. C'est moi, putain, merci, elle a marqué c'est moi dans le chat. C'est Jules en fait. Bah, Jules alors, bonne blague. J'ai écrit très très vite. On va aller très vite parce qu'en fait on en a vraiment beaucoup. Ouais. Et on va pas passer toute la liste des films. Ça va. Il y a Juno après. On a Juno qui. Ah bah parfait. Moi, je l'ai vu il y a très longtemps. Bah, Ellen Page, très bonne actrice. Voilà. Mais il m'a marqué que tout parce qu'il y a un truc avec les tic-tac dans Juno. Et toi, t'adores ça, les tic-tac. Moi, j'adore les tic-tac. Oh, Jules, on l'appelle le bouffeur de tic-tacos. C'est bien simple, il arrive, il a une boîte ouverte, pof, il l'enfile. Moi, j'ai un tic-tac dans la poche, il le détecte. Ah, ben voilà, il a un radar à TikTok. Je le mange dans ta poche. Et l'application. J'ai pas peur de le dire. Non, bah non, on en parle pas. Il bouffe dessus, on dit non, mais arrête. Non, mais mec, ça va, là, fini de se foutre de ma gueule. On passe au suivant. De très très bonne musique dans On a eu No Country for Old Men des Frères Cross avec Javier Bardem. Mitigé, je comprends. Ah, intéressant, tu l'as trouvé bof, j'ai pas de personnalité. Il était nul. Non, non, je plaisante. Oui, moi ce serait un 7 sur 10 si on peut se mettre la notation. Tu vois. Alors, moi, tu vois, si je devais aller sur TripAdvisor, je lui mettrais 3 étoiles parce qu'il m'a bien accueilli. Mais j'ai trouvé un peu froid, quand même un peu distant. Tu vois. C'est joliment dit. C'est-à-dire qu'en gros, le début du film était bien. Tu fais oh, je me mets bien. L'ambiance, tu vois, genre le général, je me dis ouais, ça va, c'est cool. Et après, mais j'arrive pas à trouver un truc qui me. Tu vois. Ouais, exactement. Ça manque d'un Peter Parker qui danse dans la rue. C'est bizarre, mais pourquoi pas. Ouais, on a eu Sweeney Todd. Alors ça c'est un des films que j'ai pas vu justement avec Johnny Depp. Alors j'aime pas Tim Burton donc j'ai pas vu. Moyen fan de Tim Burton aussi. Et ceux qui disent que les meilleurs Batman c'est Tim Burton, je vous pisse au cul. Eh Jules, je t'aime de plus en plus au cours de cette émission. Non, je dirais pas que c'est les meilleurs Batman, mais en tout cas au niveau stylistique, avoir un univers, il y a un truc ce qu'il a créé. Il y a un truc, mais bon, c'est plus les décors, les costumes, etc. Moi c'est le personnage de Batman simplement. Alors moi les Batman Forever avec les tétons sur l'armure, quand même ça reste. C'est goldé. Alors tu parles. Ouais, si Batman était Julien Lepers, quoi. Ah bah voilà, tu vois, justement, mauvais choix d'acteur, je trouve. Il a pas visé le public français. Il a pas un physique de Bruce Wayne qui va se battre, il est là avec ses cheveux frisés, ses petites lunettes, sa bouche un peu. Mais en vrai, Christian Bale non plus, mais c'est juste qu'il est bien traité dans le film. Bah, Christian Bale, si, tu vois, il a une tête de beau gosse, il fait riche milliardaire, tu vois. Ouais, mais après, il joue pas bien. Bah, oh, ça dénonce. Non, les gars, ça dénonce. Gilet jaune. Gilet jaune. Ensuite, on a eu Indiana Jones et le royaume du crâne de cristal. Ah, de la merde. Mais ouais, de la merde. Ils ont bien gâché tout le reste. Ouais, mais attends, j'ai vu au cinéma, Théo en train de pleurer, il va nous dire un truc, vas-y. Johan, grand frère, si tu m'écoutes, je t'aime. Mais Indiana Jones 4, c'est de la merde. Non, c'est vrai. Je l'ai vu au ciné à Leville sur Sonorex, c'était trop bien. J'ai vu sortir avec mes parents dimanche, on a dit tu vas au ciné, bah ouais on va au ciné, puis il y a des extraterrestres, c'était cool. Alors attendez, on revient juste sur Batman. Ouais. Qui est chaud pour faire 5 secondes de Julien Lepers avec le timbre de Batman? Oh oui. Un indice. C'est non. J'ai pas tenu 5 secondes. J'ai conclu les 3 secondes, t'inquiète. Et alors cette année-là également, donc on avait Iron Man qui lançait le MCU, et en fait on a eu juste après l'incroyable Hulk. En fait. Voilà. La même année, oui, avec Edward Norton là. Exactement. Voilà. Qui est pas ouf. Moi je trouvais que Edward Norton c'est un Bruce. Oui voilà. Ouais, un bon Bruce. Un bon Bruce Banner. Un Bruce Bane. Un bon bronze. Deux blagues sur le caca ce soir. Je le rappelle, 34 minutes 54. Justement, film on les coupera. Iron Man, donc qui film qui suit Iron Man, donc qui fait un peu, qui plombe un peu le MCU. Qui suit Iron Man. Qui suit Iron Man. Non mais pas dit Hulk le suit tout le long du film en fait. Il est derrière. T'as 2 heures d'un mec qui court dans une arme. Ça va quoi. Je suis dans le champ. Puis il est vert quoi. Enfin. Bah oui. Peut lui faire une insultation. Oh oui. Qu'est-ce qu'on a eu Quantum of Solace. Ouais, Quantum of Solace. J'ai pas vu ce film non plus. Le deuxième de James Bond. De Alicia Keys et Jack Black. Et Jack White. Jack Black. Jack White, juste. Ah, mon héros, je l'aime. Mais c'était quoi du coup? C'est le James Quantum Bond. Quantum of Solace. Ouais. C'est avec Matthew Amalric en méchant, non? Je sais pas. Bah, je l'ai pas vu moi du coup. Je sais plus, c'est celui-ci ou c'est. Ouais, on est super renseigné. Ouais. Bah, en vrai, à l'époque, j'avais bien aimé. Oui, moi aussi, je l'avais vu au ciné, pareil. Premier James Bond. Parce qu'en fait, comment il s'appelle celui qui est le James Bond? On m'a dit que c'était long et chiant. Daniel Craig. Ouais, Daniel Craig. Je trouve que c'est le meilleur James Bond en vrai. Ah, pas moi. Alors moi, je trouve qu'il a pas une carrure de. Il a pas de. Tu vois, bah il est un peu trop brut en fait. C'est pour ça que j'aime justement pas. J'aime bien ce côté-là, tu vois, du James Bond qui est pas genre trop lover et qui est plus mec d'action. Ouais, parce que James Bond, le côté lover, c'est ce genre vraiment macho et genre chez une meuf pour la baiser une fois. Après, je m'en vais. Skyfall était vachement bien. Et Casino Royale aussi. Ouais, Skyfall il était trop bien. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Et moi, sinon, c'est Pierce Brosnan que j'aime bien et que. Ah oui, bah c'est très bon choix. Tout le monde, mais... j'ai un pote qui dit que c'est un peu le Rambo des James Bond, tu vois, il fait que. Jules, est-ce que ça nous intéresse? Très peu, j'ai l'impression. Bah, aussi, sinon, on arrête cette émission. Voilà, ça, c'est moi je propose qu'on débranche les micros. Non, mais. On, allez, un petit on finit, quoi. On fait une chanson, on s'en va. Allez, on remballe. The road to Babylon, adios. Il y a eu ensuite Astérix aux Jeux Olympiques. Ah mon dieu. Pas très bon film. Vraiment, on peut mentionner la présence de Francis Lalanix. Faut-il en parler. Franck Dubosc en. En vrai, ils ont voulu copier le Mathieu Kassovix de Astérix Obélix. Ça a tellement pas bien marché du coup. Mathieu Kassovix. Bah, si tu veux, c'est pas inventif pour un sou. Il y a une production. Non, mais des séquences qui durent des mois. On se l'échauffe en Espagne, enfin, c'est chiant. Quoi. La présence d'Alexandre Astier. Je crois que t'allais dire d'Alicia Keys, je suis resté sur James Bond. Ces humoristes incompris qui sont dans le film, qui sont Franck Dubosc et Elise Moon, et je les trouve toujours super drôles dans le film. Poulvord aussi en Brutus. Poulvord, ouais, trop bien. On voit que lui dans le film. Alain Chabat, non, pas Alain Chabat, je lui pisse pas au cul. Alain Delon, je lui pisse au cul. Ouais, mais c'était. Je dis oui. Pisser au cul d'Alain Delon. Eh ouais, mon gars. Faut y aller, hein. Je suis plutôt balèze. Ah, là, j'ai bien. Non, vas-y, il est très peu accessible. On va changer l'expression pisser dans un violon par pisser dans Alain Delon. Pisser dans un zin de long. Mais comme tu es adolant. Oh, ça rebondit, ouais, ça rebondit. Il maîtrise les mots, lui. On est sur la chante trampoline. C'est insupportable. Laurent Ruquier, c'est Jean-Ben Guigui. Je vois ensuite dédicace disco de Franck Duboc. Disco, moi Didier Travolta au platine. Tu connais mon fils? Il vit à Londres. Il vient passer un moment au Havre. Putain, quel film. JPP. Mais après ça sature, non? Parce que là, dites-moi. Non, ils ont tout. Ah, okay. Nickel, ah, c'est excellent. Moi, je crie pas trop fort. Okay. Non, toi, tu es très bien. Non, j'ai l'impression que tu es bien. Bah ouais, j'étais pas nul. Soline dit très mauvais film. Là, est-ce que je suis pas trop prêt? Ah, pour Astérix, merde. Comment? Bah, je suis sûr qu'elle rit. Bon, on enchaîne vite. Il y avait Vilaine avec Marie-Lou Berry. Moi, je l'ai pas vu perso. J'ai pas vu non plus. Moi, je l'ai vu, c'est marrant. C'est avec Pierre-François Martin Laval qui joue son patron et c'est un vrai salaud. Ensuite, Kung Fu Panda. Pas mal. Donc le poster est juste là. Voilà. Alors ça c'est le 2. Ah merde, c'est le 2, putain. En vrai, dans mes souvenirs, il était cool. Ouais, non, mais. Mais sans pas DreamWorks, quoi. Ouais, voilà. Moi, ça me faisait pas du tout envie. C'était pas à la hauteur de Wall-E, tu vois, qui était avec Pixar en face, tu vois, quand même. Oui, Wall-E et. T'as un peu de mal, c'est vrai, mais bon. C'est moins de profondeur dans Kung Fu Panda, mais après, c'est pas mal, c'est sympa. Et puis, il y a un panda qui fait des arts martiaux, on y croit moyen, quoi. Incroyable. Bah non, mais voilà. Vous les avez vus, les pandas, c'est lent. Vous pas croire qu'un gros beat comme ça, ça saute à 2 mètres, quoi. Je veux bien, il est blanc, il est noir. Le cardio, c'est pas top. On a Michel Leb dans la salle. Rejoint. 5 secondes de Michel Leb. Toujours par le plancher. Non, merde, il parle. Non, on va te censurer, ça va être la merde. Enfin, voilà. Speed Racer des maintenant sœurs Wachowski. Je ne l'ai pas vu et apparemment c'est trop de la balle au niveau. Enfin, visuellement ça a l'air d'être trop de la balle. Mais c'est souvent ça avec les sœurs Wachowski. Mais... C'est genre, wow, visuellement c'est ouf. Mais non, mais c'est pas que visuellement. C'est genre, il y a les mêmes messages que dans Matrix dans tous leurs films. Si vous réfléchissez les minutes, c'est même. Hein? Faites pas confiance aux ordinateurs. Mais tout le temps, mec. À un moment, elle sort un smartphone et dit oula non, puis elle le jette quoi. Tain, ça, c'est Black Mirror, ça, c'est Black Mirror. Bon. Oh putain, mec, Black Mirror, oh la révolution. Les jeunes, de toute façon, ils décollent plus leur jeu de leur smartphone. C'est Fortnite, Fortnite, bah je t'en collerai moi. Alors bah, attends. Eh, le soleil il est bleu ou rouge, bah tu saurais pas me dire. T'as les yeux sur ton écran, la pipip. Des claques dans la gueule, tu vas avoir les yeux pochés, mon gars. Je te le dis. Colère sur ce soir, Laurent, ok. Mythique. Tonnerre sous les tropiques avec Ben Stiller, plein oui. de gens. Oh là là, incroyable. Le caméo de Tom Cruise surtout. Mais l'introduction de ce film avec les fausses bandes annonces est le Jack. Meilleur film du mais monde. Oui, voilà. C'est en fait l'intro suffit. C'est parfait. Tout est trop bien. Non mais Tonnerre sous les tropiques, très bon film avec qu'on conseille. Moi, que je trouvais un peu long, à vrai dire. Je trouvais ça drôle mais un ouais, peu. Ouais, ouais. C'est le film en entier. C'est pas faux. Après je pense que c'est le meilleur film sur le Vietnam. Après Good Morning. Bon non, ça point de vue le plus objectif et ouais, je vous en supplie, poursuivez. Non mais ouais, Robert c'était, Dunez, c'était, ouais. C'était tout le passage avec Jack Black, je crois qu'il prend de la coke à un moment et ça part vraiment en couille. Ouais, en vrai, ouais, mais en vrai Jack Black, c'est un super musicien mais en tant qu'acteur, il est un peu relou, je trouve. Ouais, il joue toujours la même chose, c'est long quoi. Jack Black Tenacious D que ouais, voilà, Jack c'est Black, ça. Acteur Gulli. Moi je veux le voir chanter là. De la merde et faire des bons solos. Ouais. Vous avez vu d'ailleurs, enfin un petit. Parce qu'on a le droit de divaguer un peu. Porté, vous avez regardé sa chaîne YouTube à Jack Black il a lancé une chaîne YouTube. Et en fait, je crois qu'il a eu un peu un record d'abonnés, puisque je crois qu'il est déjà 3 millions d'abonnés en 2 semaines. Ce que genre pas très courant quand même dans il fait des tutos make-up et en fait il fait du gaming ah mais oui j'ai vu passer un extrait, c'est ouf, c'est trop bien et on voit ses enfants, on voit tout et c'est Jack Black qui est un mec formidable en vrai, c'est là j'ai vu sa dernière vidéo, il reçoit les trophées YouTube et genre on dirait un gosse, genre il s'y attend pas, il fait ouais avec sa voix et ils sont en train de tourner le machin oui Tenacious D, le non oui non mais là non. Là en ce moment, ils tournent. Ils ont sorti un nouvel album par contre. Ouais, la suite pas ouf. De. Le jeu de société. La suite du jeu de société ? Jumanji ? Jumanji 2. Voilà, attends, ils sont en train de tourner pas Jumanji 2. Attends, mais comment c'est joué là ? Attends, parce qu'il y a déjà le remake qui est sorti. Oui, et là ils tournent le 2. Voilà. Ok, d'accord. Ouais. Voilà. On a Taken. Liam Neeson. 8 plans pour un saut de barrière. Voilà, c'est dans la 12 ça. Bah, dans tous, je crois. En 2008, c'était le premier ? Oui. Alors. le premier, moi perso, je le trouve pas dégueulasse. Ouais. Ce qui m'a dérangé, c'est que Clem Neeson est un gros raciste. Non, non, mais c'est surtout que Clem Neeson est parti pour un contrat de 24 ans avec 48 Eken. Et sa carrière s'est un peu enfermée là-dessus, quoi. Ouais. Et d'ailleurs, il est devenu par excellence un peu le patriarche qui va sauver ses enfants. Et... Oh, en vrai, là, genre, petite. De nouveau aparté. Là, il y a un film avec Clem Neeson qui sort qui s'appelle De sang froid ou sans froid, je sais plus. Ouais. Un truc où il bute des gens dans la neige. Bah, comme d'hab. Voilà. Et en fait, genre, mais sans déconner, sur l'affiche, t'as une critique qui est sortie d'un article et c'est marqué. De loin le meilleur film où Liam Neeson tue tout le monde. Ils ont spoilé le film. Ils ont vraiment spoilé le film. Quoi, c'est ça, bon, bah, ils sont tous morts. Genre, on a plus rien à dire sur ce mec. Il tue des gens. Là, c'est vraiment bien. Vous voulez voir Liam Neeson qui tue des gens? Bah, allez voir ce film, les gars. Oh, il tue tout le monde. Putain, il tue tout le monde. On va lui demander quand même pourquoi il tue des gens. Et film français, Taken d'ailleurs, produit par Luc Besson et réalisé par un français. Tout à fait. Meilleur cinéaste français. Non, il commence à Paris. Je crois qu'elle se fait enlever à Paris, je crois. Elle, ouais. Sa fille. Si, je crois que tout à l'heure. Je sais plus. Et on passe à la meilleure rubrique qui plaît à tout le monde. Oui. Oh putain, j'en ai. C'est le sketch. Non, je rigole. Ah, le fail est lancé. C'est pas tout de suite. C'est tout à l'heure. Vous avez un sketch? Alors attends, laisse-moi dégainer, mais. Ok, vous avez un petit sketch là pour faire patienter. C'est vous les. Non, non, non. Faites nourrir les petits comiques. Allez, Théo, blague. Bah. Je suis tout gêné maintenant. Non mais voilà. Faites Liliane et machin. Ok. Alors je m'appelle pas Liliane, putain. Oui, c'est Rebecca, moi je suis Romuald. J'ai la voix plus aiguë que ma femme. Et donc voilà. Romuald et Rebecca, vous tenez un bar dans les bars des Nas, oui. Dans les bars des Nas, dans le sud de... Dans le nord de l'Espagne en fait. Oui. Ok. On le tenait, mais maintenant c'est fini. Si tu veux quand tu proposes tout le temps des pauvres espagnols qui panent rien ce que tu racontes, moule frites et compagnie. Nous, on peut plus. Nous on fait des mojitos. C'est un restaurant. C'est pas de compliqué, mojitos, c'est un resto mojito. On fait pas moule frites Mario, je sais pas quoi. Oh. On nous dit que c'est pas original, que l'espagnol c'est pas le bon clientèle. Alors on est reparti. Oui, et alors vous êtes où maintenant? Pays basque. Bah oui. Dans mais vos c'est dingue. Oh hey, un je m'étouffe, il me fout le cancer. Tête de bite. Oh putain, attention. Oui, non, bon. On va peut-être passer. Je vais réimiter quelqu'un. Reprenez la place. Théo, aux auditeurs. Théo Léo, reprenez la place de Rebecca. C'était nos vraies voix. Ce qu'on vient de faire. Et là, on imite pour être plus agréable. C'est énormément d'exercice que d'avoir cette fausse voix. On est acteur. C'est vrai que cette voix est plus agréable à écouter que vos vraies voix. J'imagine. Si jamais il y a des huis clos qui se tournent en octobre, on est chaud sur Lyon. Oui. Oh, ça dégage. Voilà. On va essayer de préparer un meilleur sketch. On va passer au jeu, je vais vous expliquer les règles tout de suite. Oula, okay. En 2008 sont sorties quelques chansons. Des bonnes chansons, cette année-là. Ouais. Oh, il n'y a que des hits. Et en fait, ces chansons, si elles sont en français, je vais vous lire les paroles en anglais. Ouais. Et si elles sont en anglais, je vais vous lire les paroles en français. Vous devez deviner de quelle chanson il s'agit. Alors, il n'y a pas de buzzer, vous y allez, on est là, la bonne franquette. Ouais. Alors, j'espère qu'on va trouver le truc parce que sinon, ça va être long. Moi, je fais vraiment confiance. Ah, de toute façon, on vous donne des indices. On vous donne des indices, on vous sort un panneau avec le nom du groupe. On crie le nom, on prend votre voix et on vous imite en donnant la réponse. Quoi. Bah, trop littéralement bien. Tout fait, mec. On vous mâche un peu le travail, hein, quand même. Alors, la première chanson sortie en 2008, c'est le début des paroles. Attention, 3, 2, 1. I yell, hello Christelle, we are not bitches too mad, it's clear, and we will tell them, ok, talk to my end. Par la maman. Ouais, bravo. Avec un petit peu plus d'enthousiasme. C'était vraiment difficile. J'ai vraiment entendu qu'il dise le nom de la chanson. Par contre, je sais plus l'artiste. Bah, Fatal Bazooka. Fatal Bazooka. Aïel. Aïel, aïe, Christelle. C'est ça qu'il a dit les noms des artistes. Oui. Bah, salut, je suis Ringard. Moi, si c'est pas Gainsbourg, j'ai pas... On commence très peu de Gainsbourg en 2008, quoi. C'est dommage. Ah ouais. Vas-y, pardon, Jules. Pas très actif. La prochaine chanson. A slight urge for violence when she releases her stockings. I'm not for sale. Una, I'm not like that anymore. Teenage rumors say I'm not to you and I think that's part of true AIDS. Oh, c'est les bébés bruits. C'est les bébés bruits. Il est bon. Je l'ai eu à Una en vrai. Ouais. Je me suis dit, mais c'est nul. c'est le mot il fait tâche. Attends, c'est laquelle? C'est la classique. Ouais, c'est dis-moi, c'est tell me if I have to leave or not. Tell me. Ouh. Allez. Ils sont revenus les bébés bruits. Ils se reforment ce soir. Because I'm crazy about you, Una, when you do not belong. Attends, Una, c'est un prénom? Oui, Una. Anuna aussi, c'est un nom. Ah, mais ça, c'est moins bien. C'est un nom de famille. Flou-toi, Ouna. Oh, 5 secondes de Cyril Hanouna. Je suis couché en petit beauté ce soir, c'est Powercast. Allez, mets tes douilles dans ton slip, vas-y. Allez, oh, c'est chaud. Les réformes de l'Elysée, là, on y va ou quoi? Oh, ils sont bons. On se régale. Là, on a un vrai spectacle. Moi, je suis là, spectateur de tout ça. Ah, je me régale. Gratuit, on écoute, on fait pas un pli. Yes. Attention, gros hit, la prochaine. Oh putain. C'est parti. They do nothing but make us promises that they never hold. The only thing that interests them is to go on TV. All pomponed, all makeup, they come to talk to the newspaper. While riding from the bottom of cafes, the sound of the chore. Je dis ça avec une voix de bande-annonce un peu. Oui, mais c'est très bien. Mais... Refrain. Ah, if you could shut your mouth, it would make us holidays. Ah, si tu pouvais fermer ta gueule. Ah, yes. Excellent. Ça nous ferait les vacances. Patrick Sébastien. Très en forme, Léo, très en forme. Putain, il est en train de... Ouais, Théo. Mais lui, il est né dans la musique. Attends, mais il y a des points, après, il y a une... Ah oui, toi, en fait, celui qui gagne pas, il part. Johnny Hallyday. Ouais. Oui, tu te penses. J'ai des réponses, là, vas-y, pose. J'ai gagné. Toujours vivant. Qu'est-ce qu'on a? Bah non. On a la prochaine. Allez. Bien vu. Cette fois, c'est une chanson en anglais que je vais du coup vous lire en français. C'est parti. Eh bien, j'ai entendu dire qu'il y avait un accord secret, que David a joué et que cela a plu au Seigneur. Mais ne vous souciez pas vraiment de la musique, n'est-ce pas? Mais vous ne vous souciez pas vraiment de la musique, n'est-ce pas? Excusez-moi. Eh bien, ça va comme ça. La quatrième, la cinquième, la chute mineure et la levée majeure. Le roi perplexe composant. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Ce serait pas Alléluia? Ouais. Allez. Ouais, mais attends. Il est vraiment tombé dedans quand il était petit, hein. Mais alors là, Alléluia de qui, là? Ah, mais oui, maintenant que tu le dis, putain, ok, ouais. Jeff Buckley en 2008. Jeff Buckley la reprend en 2008. Ouais, ouais. Reprise de Leonard Cohen. Je crois qu'il... Ah d'accord, je crois qu'il était mort dans les années 90, Jeff Buckley. C'est Leonard. Bah, il est revenu, il a fait son comeback. C'est bien. En fait, j'étais vivant. Alléluia. Jackson. Putain. Mais dans les charts. Heureusement que t'as dit le refrain parce que vous aidez pas beaucoup le couplet. Ensuite, prochaine chanson. Ah bah, c'est il a gagné. I easily exceed all limits when I start. I consume a lot to the goal is to feel things. So I go over and I like to make tones. It irritates the brave people full of reason who respect the limits. And I do not dream. I know when I'll stop. I will leave Paris. I know after I'll pay for it. Yes, I will pay for it. C'est un poème que t'as écrit. Exactement, c'est ma rédac. Pour Madame Clanchard. C'est eux deux. Aucune idée. C'était. Comment? Attends, non, faut pas dire. Un chanteur français, déjà chanteur français. En 2008, ouais. Il a participé, il me semble, à la 5e. Ça a trouvé sur le chat. Il a participé à la 5e édition. Julien Doré. Julien Doré. Ouais, exactement. Ouais. Les limites. La 5e édition de la Nouvelle Star, du coup. Puisque c'était la première en 2003, si je ne m'abuse. Oui, on avait dit. Lui, on fait des liens. Attendez, je crois qu'on a Julien Doré à la table, par contre. Podcast Cinématique Universe. Paris, c'est fait. Sur le sable doré, soit son rouge, mais à culpa, j'ai perdu le grain. We love you so. Non, c'était pas trop. Okay, yes. People have the. Non, mais arrêtez, t'as gueulé dans les vraiment, on est vraiment des saltimbanques, des sales manoufs, on sort nos instruments à la mort. On entend un mec qui chante, on entend les instruments. Mais ça vous dit pas qu'on fasse une heure de basse? Tu jam session? Bah attends. Petit concert? On terminera par un concert. Allez, tout. On terminera par une petite chanson. Oui. Qu'est-ce qu'on a ensuite? On a une chanson. Alors, pas facile celle-là. Moi, franchement, je l'aurais pas mis dans les trucs après. Anglais ou français? Moi, je la trouve, je pense que c'est facile. C'est une chanson anglaise que je vais du coup dire en français. C'est parti. Lily, sors de ton faux monde, bah, s'il Lily, vous plaît. Du coup. Mettez tous les médicaments dans votre main. Vous verrez que vous pouvez respirer sans aucune sauvegarde. Lily Allen. Tant de choses à apprendre. Pour chaque pas d'une marche, n'importe quelle ville, de n'importe quelle pensée, je serai votre guide. Pour chaque rue, oui, de n'importe. Lily. Ah, bravo. Mais et c'est qui l'artiste? J'ai dit le début. Je sais plus son nom. Ah. Ce type. Aaron. Ouais, voilà. C'était la musique de. Ne le dis à personne, un truc comme ça. Un truc comme ça, ouais, un film avec. Daniel Auteuil. J'ai vraiment aucune idée. Lélé. Avec Daniel Auteuil. C'est le niveau B2. J'ai eu mon SSR. Putain, je l'ai pas. Si vous retrouvez le film, s'il vous plaît. Je crois que c'était Chipmunks. Ah, c'était la bande originale de Je veux bien, ne t'en fais pas. Je vois une fausseté. Moi aussi, du merci. Coup, oui, voilà, parce que le morceau est sorti en 2004 en fait. A été révélé en 2006, mais qu'est-ce qui s'est passé en 2008 alors? Pourquoi ils m'ont dit ça? Ah, référence. Attends, il s'est passé un truc trop marrant. Alors, allez-y. Léo, il voulait désigner quelqu'un d'autre et genre il a dit Léo, mais c'était lui en fait. T'es con, c'est toi. C'est absurde. Mais quelle tête de linotte, je l'ai appelé toi-même. Oui. Mais t'étais dans un personnage, t'as cru que tu. Oui, sans que ni t'en. Je t'enlève ta bière, donne-la-moi. Bah, elle est finie. Pas. Mélanie Laurent dans Je veux bien ne t'en fais pas. D'accord. Merci Anna. Ah, je veux bien ne t'en fais pas. Voilà. Allez, dernière chanson à deviner parce que le jeu commence à nous faire chier un peu. Ouais. Alors, dernière chanson, un hit au hit parade. C'est parti. Cela n'a jamais été comme je l'avais prévu, pas mon intention. Je suis si courageux. Bois dans la main. Bois dans la main. C'est perdu ma discrétion. Ce n'est pas à quoi je suis habitué à. Alors, faut savoir que c'est vraiment une traduction Google Traduction, j'ai copié-collé les paroles, donc prenez-le littéralement, quoi. Tu peux recommencer, du coup. D'accord. Cela n'a jamais été prévu comme je l'avais prévu. Pas mon intention. Je suis si courageux, bois dans la main. Fais le refrain, peut-être. Ah, mais j'y arrive. Perdu ma discrétion. Ce n'est pas à quoi je suis habitué, on va dire. Je veux juste vous essayer. Je suis curieux pour toi. À attirer mon attention, c'est marqué. Refrain. J'ai embrassé une fille et ça m'a plu. Katy Perry. Putain, tu le fais en chantant. Tu donnes la réponse en chantant. C'est un point en plus pour Théo, t'as gagné. Bravo. Bah, étant donné que j'ai eu qu'un point, à mon avis. C'est, je vous essayer de le dire d'une certaine façon, vous ne me reconnaîtrez pas. Et ben, ça a raté. Voilà. Sinon, pour le reste des musiques, mais qui ne sont pas en jeu parce que c'est un petit peu dur, on avait MGMT qui sortait Kids. Oh, mais je l'aurais eu. Grosse zik mu. Madcon sort Begin. Est-ce que vous vous rappelez de cette chanson? Begin you. C'est ridicule. Non, chante Clément. Laurie se lance dans sa période tectonique avec son hit Je vais vite. Au top des charts. Alors, ça c'est comment s'il te plaît? Je vais vite. On imagine les gestes de tectonique. Ah mon dieu, c'est si beau. Et en fait, on n'en a pas parlé, mais 2008, enfin période tectonique. Et si on regarde nos photos, on voit qui a eu la période tectonique. Bah, tout le monde en fait. Moi j'ai une tignasse, genre rien de tectonique là-dedans. Je sais pas, tu les mettais en l'air, c'était tectonique. Les mecs, tu vois bien qu'ils tournent. Je suis un surfeur. Est-ce que vous avez dansé la tectonique? Jamais. Sur le chat, qui c'est qui a le plus de Léo, si tu traces, t'es chauve quoi. C'est pareil. Bon, pardon, oui. Bah, merci de me critiquer. Ce que je vais arrêter. Je suis désolé, vraiment Clément. Non, non, mais c'est bon. Moi je m'en vais, c'est bon. J'en vais de cette émission. Je débranche les micros, moi je m'en vais, y'a plus rien. Bon, je fous d'ambiance de merde, ouais, ok. Merde. C'est un interprète que tout le monde tire à Chocour Florent Parisien. Clément Robert. Je viens de voir que le prochain titre concerne. Attends, un mais moi je voulais parler de tectonique. Ah bah parle de tectonique, mec. Moi, oui, parce qu'on a le droit de divaguer un peu. Moi j'ai eu ma période tectonique, vraiment. Et je me souviens au collège. Ce du coup, c'était sûrement cette année-là ou peut-être l'année d'avant, j'en sais rien. Tu en dansais? Non, je. En fait, ouais, pas de ça. Ah, bah, un peu, ouais. Ou le même. Non, mais je dessinais le. Vous savez, il y a un aigle qui était le sigle tectonique. Ouais, je sais pas pourquoi c'était ouais. un aigle ouais, trop ouais, bizarre. Ouais, ouais. Et en fait, j'étais super bon pour le dessiner. Et tout le monde me le demandait au collège. Ouais. C'est vrai? C'est vrai, c'était des aigles. Et tout le monde me disait, ouais, tu peux me dessiner un aigle tectonique? Je fais, ok. Celui qui a créé le symbole. Voilà, j'avais créé le symbole. C'est vrai. Mais ça ressemblait un petit peu au lapin de Playboy tout de même. C'était. Ouais, dans l'esprit, c'était ça, ouais. Je peux continuer avec d'autres anecdotes hein, si tu veux. T'as des anecdotes tectoniques? Bah moi aussi j'ai essayé hein, je veux dire, ça y allait devant le miroir, hein, la craquerette et puis. Ça fait... ouais. Et puis prochaine voilà. Chanson, Britney Spears, Womanizer. Arthur serait là, il serait content puisqu'il est fan de Britney Spears. Et moi je le suis. Mais bah. Putain. Coldplay, on lui demande une petite choré. Pas mal, Viva la Vida, est-ce que vous en souvenez? Moi, ça, un morceau que je trouvais bien, mais j'ai vraiment été assailli sur toutes les radios, genre sur RTL2. Oui, c'est vrai. Des radios comme ça. Du coup. Bah, c'est. Ouais. On passe. Léo a pété, j'étais bien. Oh, non passé. Ouais, non. Mais non, il ouais. l'a dit, on coupera. Hey, tu notes le timecode, on coupera. C'est marrant, petite tose. C'est bon enfant. C'est le podcast du bon goût. Non, absolument. Viva la vie, vraiment parce qu'on a eu de pire, franchement. Parce qu'on a eu de pire, mais c'était un petit peu le déclin, même s'il était déjà un peu lancé de ce qu'a pu être Coldplay, je trouve. Tu trouves qu'il y a un déclin après? C'est pour moi, enfin moi j'aimais beaucoup à l'époque parce que j'ai, bah oui, j'avais 11 ans quoi. Enfin non, mais c'est un peu le genre, ouais, quand t'as plus de 11 ans, tu peux plus écouter ça, pas du tout, pas du tout. Mais disons que t'écoutes un peu les premiers albums, c'était peut-être un peu plus profond, etc. Et après, ils sont relancés dans une espèce de pop ouais, qui fait 500 millions de vues et qui est facile, facile. Mais oui, bah c'est sûr. Ils sont c'est efficaces. Les grosses têtes. Alors, vas-y. C'est important, du coup on revient à la tectonique, je sais pas pourquoi on l'a pas mis à côté. Mondotech sort live. C'est l'hymne de la tectonique. Ah mon dieu. Y'a pas moyen de passer un extrait là. Putain, en vrai le problème c'est si je passe un extrait, on se fait censurer je pense. Oui c'est pas fou. C'est pas libre de droit cette merde. Je pense pas. Bah écoute, tu sais j'ai beaucoup de droits moi. Le mec écrit est pas mort encore, donc y'a pas. Clément, 5 secondes de tectonique. Mais c'est vraiment visuel quoi. Alors attends, putain, je sais plus. C'était un truc genre. Il va bien le micro. Ouais, fais pas genre le mec, il a des souvenirs. Ouais, ok, j'ai super bien dansé. En fait, je me suis obligé dans le micro. Super. Yael Naïm. Tu touches pas Yael Naïm, pardon, sort New Soul. Je sais pas si vous vous rappelez de cette chanson. New Soul. Ah oui, pas ouf. C'était avec. C'était musique d'un iPod en fait, du coup, moi, c'est pour ça que ça m'a marqué. C'était un français en featuring, ça. Quoi? Non, non, elle était toute seule. Ah, elle était toute seule. Ouais. Yes. C'est un français, l'autre qui parle à ma place. C'est toi qui chantais, Théo. Et enfin, Beyoncé, If I Were a Boy. Une If de... I Were a Boy. On t'a pas dit 5 secondes de machin. Pardon, ouais. Très mauvaise imitation, mais au moins j'ai la chanson, donc merci. C'était bon, non, c'était pas du tout. Vous savez que c'est une reprise de Diane Tell. Moi aussi j'étais un homme. Je serais le capitaine. Oh là là, les lourds qu'on est. Pardon, je... Ouais. En même temps, hein. À un moment, je vais pas finir cette phrase. Ça discute. Continuons, on a un trou dans le conducteur. Là, il est... on a fait 1h15, on sait plus quoi faire. Ça fait pas 1h15. Non, j'ai 56 minutes. Bah ouais, moi aussi. Ouais. Ah oui, j'avais lancé le stream avant. Voilà. Ah ouais. Oui, mais c'est parce qu'on a commencé. On passe aux morts de célébrité. Alors, et là, encore. Attends, en 2003, on avait Guy Lux, c'est tout. Et là, on en a une bonne petite liste. Non, mais là, les gars, quand même, en 2008. Alors, on va le dire. Je suis assez sûr que c'est le deuxième. Si c'est pas dans la liste, c'est la place. C'est obligé, la connaissance. Oui. Et ça finit par Arlos. Ouais, ouais, oh. Mais, ça, mais on dit pas plus, on le dit tout à l'heure. Carlos Patatos Valdez, allez. On commence par. Bon, bah allez, on commence par Carlos. Bah allez, allez. Carlos, allez, Carlos, allez, Carlos, allez, Carlos, allez, Carlos, allez, Carlos, allez, Carlos, allez, Carlos, allez, j'ai une anecdote sur Carlos. Ouais, c'est ton père. Bah voilà, vous l'avez fait. Mais il est pas mort, il a maigri de ouf quoi. Et oh là là. C'est mon papa. Non, en fait, j'étais allé à un cirque pas loin de la Chassieux, donc c'est vraiment à côté pour oui, ceux qui connaissent. Exactement. Il était dans une cage. Non, et on faisait le tour du cirque. Enfin, ouais. C'était pas un cirque, c'était une sorte de. Il y avait une imitatrice de. Du, je sais plus quelle chanteuse à con, Céline Dion, un truc comme ça. Et on fait le tour du. Non, mais attendez. Michel Leb, en fait, c'est moi de fille. Et on fait le tour du cirque. Et en fait, il y avait les caravanes des artistes. Et il y avait Carlos qui était dehors en train de boire avec ses potes. Genre, moi, j'étais enfant, je sais pas, je devais être beaucoup plus jeune que. C'était pas en 2008, c'était un peu avant. Et genre, mes parents ils font ah, c'est Carlos et tout. Je fais quoi? Genre, je connaissais vite fait Carlos, je fais quoi? Et je fais coucou et Carlos m'a fait coucou avant de décéder. T'as eu un coucou de Carlos. Il est mort juste après. Il t'a fait coucou mort, et bah, paf. C'était en 2007 et ouais, il est mort l'année d'après. Je suis sûr qu'il faisait des coucous excellents en plus. Bah, il avait une mais vraiment très chaleureux. Vraiment de très loin quoi, c'est ça la oui, voix. Ah, c'est Carlos dans les matchs de foot, c'est sa main normale. Ouais, je pars à Los Angeles demain. Non, non, mais je t'appellerai pas, je te fais un coucou de là-bas et on verra. Regardez, enfin, c'est le gros Carlos. Bah, oui, non, mais c'est ça, le caravane. J'ai vu voilà, Carlos et en vrai, ça m'est resté. Je me suis dit, putain, Carlos. Oh là là. Carlos, Carlos. Et j'ai, en fait, et pourquoi tu l'as même pas approché? Mais en fait, tu sais, que... c'était genre dans les caravanes des cirques, et tu sais, t'avais des barrières super loin. Et en fait, oui, puis il était dans sa cage, quoi. C'était une bête de foire. On venait lui jeter des cacahuètes et tout. Il était là, il faisait big bisous. Tout seul dans sa table. Le mec atteint une démence extrême. Ouais, mais il est un peu sénile, c'est pour ça on regarde en cage. Hein. Il pourrait faire du mal, il pourrait se faire du mal aussi. Hein. Il avait épousé un Liputou. Le bon Liput. On a un message pour toi, Jules, dans le chat. Oui, je l'ai vu. Ok, tu l'as vu. Il m'a contacté aussi par Messenger. On a Paul Newman qui est décédé. C'est plus pour Théo et Léo là du coup. Ouais, mort de décédé. Paul Newman. Ouais, ça vous marquait. Si tu veux, Paul Newman, justement, en 2006, j'avais pu le voir. au camping d'Arcachon, je crois. Et justement, je revenais d'un cirque avec Carlos. Voilà, voilà, exactement. Un petit week-end avec Carlos. Je faisais des grandes claquettes à l'époque, toi, Arcachon me connaissait. Il avait son crocodile gonflable sous le bras. Non, non, plus sérieusement. Son pétrole âne. Non, non, oui, je. Bah oui. Grand, grand Paul Newman. Hein. Bah, très grand. Polo. Effectivement. Mais qui est mort obèse, non ? Si on... Non, ça c'est Carlos. Il a pas une. Attendez. Ah, il est obèse. Je sens qu'il est. En fait, vers la fin de sa vie, c'était vraiment pas la joie. Il faisait plus rien. Mais le pire, moi, c'est que Paul Newman, je le connais essentiellement parce qu'il est parodié dans Le Grand Détournement, en fait. Ouais, c'est genre, c'est pareil, exactement la même. C'est-à-dire que sinon, je sais pas dans quoi il a joué. Je m'en branle. Pour moi, c'est juste Le Grand Détournement. Il s'appelle le mec dans La Mort aux Trousses. James Stewart, non ? Ou rien à voir. Je saurais pas te le redire, je t'avoue. Parce que je trouve toujours avec lui. Merde, j'ai oublié. Si vous l'avez. Mais je crois bien que ça vient. Non, c'est pas Paul Newman en fait, il était pas. Il y a un peu Patrice Lafont à la fin de sa vie. Un autre. Parce que t'avoue qu'il a fait un spectacle, vous le saviez, il a fait un one man show. Sans déconner. Il a fait. Ah, attends, mais oh, faudrait que je vous passe. On pourrait le passer à la fin. On le passera à la fin à la rediff. On va pas avoir le droit de monétiser. Non. En vrai, c'est rien j'ai du pas tout. Monétisé l'épisode 1. Donc je crois que c'est rien du tout son truc, vraiment. En fait, c'est juste une bande-annonce super mal montée avec une musique qui fait. Et t'entends que lui derrière il parle des jeunes, enfin dans son spectacle, et t'entends, t'as des mots qui reviennent avec de l'écho et ça fait genre LOL. MDR. Oh, les jeunes maintenant ils sont toujours sur leur portable, ils disent il faudra un nouveau mais 68, je sais pas quoi. Oh, il dit trop de la merde, super réac. On le calera à ce moment-là du show. Oui, je veux. Pété de rire. MDR. Pété de rire. LOL. Le petit jeune, quoi, sympathique, là, qui pétille et tout, le petit jeune sympa. Tous les embêtes. Souvent, je me dis, ils ont été piqués par la mouche chier. Elle vous pique, vous êtes malade, et après, tout vous fait chier. Voilà. Ensuite, on a Aimé Césaire qui est mort. Ah, moi, connais, c'est plus triste. Je connais plus le Aimé Césaire de H, moi, que, de, que le vrai, malheureusement. Césaire, grande inspiration pour Booba. Ah ouais. Non, mais sans déconner. Attends, ouais, parce que ce genre d'info, ça peut être vrai. Hein. Ah non, mais c'est pas une connerie. Bah, en même temps, voilà. Mais, il a la même plume. Une grande inspiration pour plein de gens qui viennent. À quand le collège Booba? Bon. Le collège Aimé Césaire. Grand homme de lettres, un petit peu. La sous-culture, ça va, toi? Pascal Sevran, passe l'arme à gauche. Je crois que tu l'avais cité, tu l'avais cité Pascal. Dans le premier épisode. Non, j'ai dit Pascal Célème, je crois. Oui, mais tu t'étais trompé, t'avais dit Sevran. Dans une émission de sport, et Pascal Sevran passe l'arme à gauche. Pascal Sevran, qu'est-ce qu'il a fait? C'était un imitateur, non, c'est un animateur, je crois, non? Qu'est-ce qu'il a fait? Je crois que c'est un animateur radio très vieux, Sabatier, tu vois. Attends, Pascal Sevran? Le bon Pascalos, attends, je vais regarder. Voilà, là, j'ai un trou de mémoire phénoménal. Rien du tout. Rien. Si, franchement, vraiment rien. Moi, je connais deux Pascal et un Sevran, mais c'est Caris. Alors, il y en a un qui est un peu. Mauvaise blague. Il y en a un qui est un peu hors série, hors sujet, et en fait, je crois que personne ne le connaissait, mais juste que je trouvais son nom marrant. Il s'appelle Lucien Jeunesse. Et il était animateur radio sur le jeu des 1000 francs. Le mec s'appelle Lucien Jeunesse. Jeunesse. C'est moi. Alors, la bonne par jeunesse. Contre, quand on tape Pascal Sevran, on tombe sur des vidéos. Pascal Sevran et la Haute-Vienne. Pascal Sevran, là. Clash, okay. Bruno Gassiot et Pascal Sevran dans Tout le monde en... J'ai trois petits points. C'est qui? Alors, Bruno Gassiot? Son visage, c'est un animateur. Culture Zéro, le podcast de la culture. Ah, mais oui, oui, oui. Je crois que c'était le compagnon de la reine d'Angleterre. C'est faux. Oui. Quoi? Qui a été assez parodié. Bon, je crois que c'est lui que les inconnus parodiaient, notamment, tu sais, le... C'est pas l'émission où t'as des très vieux musiciens qui sont un peu mourants comme ça, qui viennent faire un concert et genre il est là, ouais, ouais, bon, allez. Hein, ah oui. On va passer. Alors là, j'ai un truc de balu. Voilà. Voilà. Oui. On rappelle étrangement quelqu'un dont on citera pas non, mais qui a une voix assez. Alors super titiche. À la rescousse du tweet. Oh. Ah, il était ami avec Dalida quand même, ce moment. Ah. Léo, 5 secondes de Dalida. Caramel, bonbon et chocolat. Tu m'excites. Parfois, je ne te comprends pas. Ça y est, il y a une imitation de... Beaucoup trop aiguë, je suis désolé. Titi. Super titiche. Ah bon, super titiche. Mais c'est un... Ouais, mais c'est un peu une blague. Mais attendez, il a fait un barbecue à Ici les Moulinots. Il est là, non, je t'assure. Ah bon, oui. Allez, c'est trop privé de jouer. Oui, allez, hop, on enchaîne. Henri Salvador est décédé en 2008. Ah, ça, c'est triste. Ouais. Moi, je m'en souviens de son décès. Bah, moi aussi, parce j'étais que. J'étais là, genre... en fait, j'étais à ses côtés. Mais tu sais très que âgé. Genre moi j'ai découvert, genre mon père avait un DVD d'un concert de Salvador, genre je le regardais en boucle, je sais même pas pourquoi. Genre maintenant je n'aime plus les chansons de Salvador, je pense que j'aimerais pas le type. Qu'il était... parlait Henri Salvador, il faisait ah, comme ça. À la fin, il parlait plus beaucoup, je t'avoue où il était. Mais ouais, je sais pas, il m'a marqué ce type. Genre quand pardon. continue, pardon. Ah non, mais c'est la fin de mon anecdote, je vois qu'il chante. T'avais pas croisé Henri Salvador dans un cirque? Non, mais un jour, je l'ai vu à la télé, il était avec Carlos, il faisait du manège, il est descendu, il a vu Paul Newman, et après, il y avait Dalida qui chantait, je me suis dit putain, les gars, quand même, c'est une belle journée. Et ils sont tous morts. Quoi? Salvador et la chanson du même cul. Zorro samedi sur le chat. D'accord, je le connais pas du tout. Il a fait une chanson, il a fait la BO de Zorro peut-être. Un dessin animé la ou BO de Zorro. Henri Salvador. Non mais oui, dans le film t'es ou peut-être. Non mais non. Ouais. Non, il chantait Zorro. On revient à Heath Ledger, ouais. Pardon. Il faisait des chansons pour Heath Ledger, ouais, bon, là, c'était décédé au moment de la sortie du film. Non, qui est décédé pendant le tournage de. Dark Knight Rises. Ah non, un autre film. Un autre film. Genre, il y a plein d'acteurs qui jouent en même temps le même rôle, en fait. C'est, Split. Ah non, c'est l'inverse. Vraiment, l'imaginarium du docteur Parnassus. Ah oui. Ah, je l'ai pas vu. En fait, il est décédé pendant le tournage, donc. En fait, l'avantage c'est que le scénario c'était genre bah le docteur Parnassus il change de tête, ouais. Donc ça va, et tu vois, c'est un peu Doctor Who, ils ont fait oh, c'est bon, il a changé. Et au firmament de sa carrière, je vois qu'il a tourné dans 10 bonnes raisons de te larguer. Super film. En 99. Ça le fait rire l'harmonico. Mais qu'est-ce qu'on a, on a un petit. Ah, petit moment harmonica, c'est la rubrique harmonica. Voilà, présenté par Nikos Harmonikos. Non, mais je voulais pas vous couper. Mais alors, oui, c'est vrai qu'apparemment tous les acteurs du docteur Parnassus sont. Pardon. Suite au décès d'Heath Ledger, donner une bonne partie, si ce n'est l'intégralité de leur salaire. Oui, je crois qu'il y a un truc comme ça, ouais, à la famille d'Heath Ledger. Ouais, ouais. Et... un beau geste. On les remercie. On s'en fout. Ça ne concerne pas voilà. Du tout, en fait. Clairement, c'était juste un détail dans notre pauvre culture. Bon, bah, on le dit. Alors, tu me dis, attends, il y a quoi, vas-y. Heath Ledger est le premier acteur, je crois, à avoir reçu un Oscar à titre posthume. Oui, il me semble. Ouais, c'est pas oui, c'est bien, ouais. Semble, ouais. Et ça, c'est genre toute sa famille c'est... qui est montée sur scène. Ouais, ouais, ouais, avec ses enfants et tout. Ouais, tu. Et ça, c'est la classe. Et après, je te relirai pour pisser. Clément, tu prendras le relais. Tout le monde, je te relairai. Oula, alors, attends. C'est un peu dégueulasse. Léo est toujours là. Ça va, Léo? Voilà. Léo est remplacé à partir de maintenant par un harmonica. Très bien. Oui. Léo, 5 secondes de Heath Ledger, s'il te plaît. Putain. Oula, c'est sa période Joker là, c'est vraiment quand il faisait le Joker un peu foufou quoi. Ça, c'est quand il dit Why so serious, machin. Ouais, c'est ça. Mais belle référence, belle référence Léo. Bravo, tu l'avais. Okay. J'ai mis des sous-titres en harmonica. Il y a eu la mort de Horst Tappert, l'inspecteur d'Eric. Ouais. Oh là là là là là. Ça, c'était une. Une mort fracassante. Et ça, à mon avis, pour les acteurs, c'est un peu comme nous avec Drucker, tu vois. Je pense que c'était. Il est pas mort, Drucker. Oui, bah justement, attends, c'est l'acteur maintenant qu'il est mort. C'est... Ou Aznavour, qui pour le coup est vraiment mort. Plus il enterre ses potes, plus il a de la vitalité. Oui, il prend de la vitalité. Ouais, c'est ça. Il prend... En fait, c'est lui qui prend l'âme de ses amis et il reprend de la vie. Je peux te dire que maintenant, le twist, c'est lui qui le fait. Au Stade de France. Johnny la bagarre, c'est lui qui l'a. Wow. Oui, du coup, il a surlimité un peu Charles Aznavour là. Charles Aznavour. Ouais. Annie aime les sucettes. Okay. Non, je me suis trompé. C'est pas du tout Charles de Bourg harmonica. Ok. Yes. Oh, c'était époustouflant. Oui, je voulais juste dire que du coup, en fait, apparemment, pour les Allemands, à mon avis, c'était un peu l'acteur qui ne meurt jamais, justement comme Drucker, mais comme Aznavour n'est plus, il l'a rejoint dans ses beaux cieux. On a aussi Sœur Emmanuelle, je vois. Ouais. Qu'est-ce qu'a fait Sœur Emmanuelle? C'était une. Elle a fait une mission humanitaire. Ouais, voilà, c'était un peu comme l'autre. Le mec. L'abbé Pierrot. Ah bah. Ah bah attends, ouais. Quand on parle de l'abbé Pierre, on dit c'était pas l'autre. C'était l'équivalent de l'abbé Pierre, c'était Sœur Emmanuelle. Tu te souviens de Sœur Emmanuelle, Léo? De Sœur Emmanuelle. Bah. Voilà. Ouais, elle a fait un super tube aussi. Hein. Ouais, elle a fait. Dominique Nikonik. Ouais. On passe aux séries télé, je te laisse la main. Attends, t'as pas dit que Lucien Jeunesse était décédé aussi? Moi, si je l'ai dit, tu l'as dit, pardon. Oui, qu'il avait un nom marrant, mais c'est y a que moi que ça faisait rire. Ah oui, mais parce que je me demandais pourquoi tu l'avais noté. Mais... Mesdames et messieurs, Lucien Jeunesse. Mais il est là. Non, il je est rassuré, décédé. Je suis rassuré. Là, je te parle plus. Série télé avec mon gâteau dans la bouche. Alors en série télé, donc on a eu Breaking Bad qui a commencé. Est-ce que vous avez regardé Breaking Bad? Très très très très très bien. Moi j'ai pas fini. Bah, fini parce qu'on peut pas. Trop de passages mous, je trouvais. Et ça m'a pas accroché. Et pour la défense de la série, je suis pas fan de trucs de tout ce qui est avec trafic de drogue, ouais, braquage, ouais, tout ce qui est narcos, etc. aussi. Oui, non, mais c'est pas fan. Oui, mais ce qui en fait le côté tragique, c'est que vu qu'on est du point de vue justement de Bryan Cranston, enfin de du cher Heisenberg, je parle à Jules qui a finalement disparu. Il est passé sous la table, je ne sais pas ce qu'il fait, mais je vais faire comme si je lui parlais encore. Et non, mais en tout cas, je vais le remplacer sur son micro. Voilà. C'est très con. Forcément, l'immersion, en tout cas, dans ce monde de drogue, qui moi ne m'attire pas forcément aussi, bien plus intéressante, car justement, c'est un personnage qui est aux antipodes de cela. Et c'est ce contraste, cette côté, prise de Si tu traites pas un mec qui a envie de devenir baron de la drogue et gérer des trucs, non, tu traites la démence d'un mec qui veut sauver et qui finit par être aboli et submergé Un anti-héros, est-ce qu'on peut dire un marginal, une pure tragédie. Est-ce qu'on peut le dire? On le dit ou pas? On ose le dire, je pense. Ah, mais sûr que si on avait fait une série sur Tito dès le début, on rappelait Tito notamment, voilà, ça aurait été peut-être moins intéressant. Ouais, quoi. Bah, si tu veux, ça fait Kazakh et moi je passe de la haine. Bon, voilà, Breaking Bad. Ouais, ouais, voilà. Bah, oui, bien, évidemment. On met combien de notes sur TripAdvisor? D'ailleurs, TripAdvisor, va sortir oui, après. Oui, un film est en préparation, oui, oui, oui, là. C'est ouais, du spoiler, qui va pense, porter mais sur Jesse Pinkman, du coup, l'acolyte. Oui, tout à fait. Voilà. Il y avait Wakfu qui a commencé. Oh mon dieu! Ah, dessin animé, très bon génial, dessin animé. Génial, Ankama. Ankama, très ouais, bon. Ankama, toujours bon studio de qualité en général. En fait, c'est qualité et pas beaucoup d'audience, malheureusement. Et c'est vrai, ça le problème, putain, c'est qu'ils galèrent toujours à financer leur truc. Alors que putain, si tout le monde en France mettait autant de bollocks dans les projets, enfin, sincèrement. Il y a un rat dans le studio. Il y a des trucs qui viennent de tomber, je suis extrêmement apeuré. T'as vu quelque chose bouger? Alors il y a le Pikachu qui m'a fait coucou là-bas, mais t'es juste bon, non, mais, pas en mais c'est bizarre parce que Wakfu, il y a peu de gens qui ont regardé. Tous ceux qui ont regardé sont fans, mais malheureusement c'est genre là la saison 3. Enfin, en gros, t'as eu deux saisons complètes, t'as eu une saison de hors-série qui était géniale, et après pendant 3-4 ans t'as pas eu de saison, et la saison 3 ils ont galéré à la financer, elle est sortie il y a 2 ans. Et là ils sont encore en galère pour la saison 4, alors que la fin laisse clairement supposer qu'il y a une suite. Et c'est ça qui me tue, c'est qu'en Kama ils te produisent des... enfin tu vois, c'est du dessin animé. Ouais. Il y a forcément un côté enfantin, mais de l'autre, enfin, genre, je sais pas si. Déjà, il y a plein de blagues et c'est très cool de voir des blagues bien marrantes quand t'es petit, mais en plus, il y a un côté très. Je sais pas, c'est féministe aussi, c'est ça qui est cool. T'as des persos féminins qui sont hyper présents, qui sont hyper forts, t'as des trucs qui portent sur la différence, des trucs qui portent sur l'acceptation. Enfin, ouais, t'as plein de thèmes hyper intéressants qui sont abordés au-delà du fait que c'est un univers hyper riche, quoi. Et du coup, Wakfu, bah, faut regarder. Voilà. Et vous avez vu Motherfuckers cette année au ciné ou pas? Parce que putain, il est très mal distribué. Moi, je l'ai vu au ciné et alors, assez je suis fan ouf de la BD, mais le film, j'ai pas pu le voir encore. Bah, très bon film. Ouais. Avec les voix d'Orelsan ouais, et Gringe, ouais, et en vrai, c'est cool. C'est trop bien. C'est une création originale, je savais pas que c'est une BD. Ouais, c'est une grosse label, bon pavé en plus le label 619 qui était du coup d'ailleurs chez Ankama auparavant. Voilà. Et c'est... qui maintenant sont devenus indépendants depuis ce mois-ci, je crois. Et c'est Ankama qui a produit le film, ouais. Et bah très mauvaise distribution comme à chaque fois que Ankama produit des films, malheureusement en fait, c'est parce que d'ailleurs le film de Fous était très cool aussi. Moi je l'ai pas vu mais et ouais bah, très cool aussi bah, très très bon. Et très mal distribué. Musicaux, incroyable. Et vous jouiez à Dofus le jeu ou Wakfu le jeu même? Alors bizarrement, j'ai pas accroché au jeu Wakfu, mais Dofus, ouais. Ouais, tu jouais à Dofus. Mais pourquoi toi, tu trouvais que genre Wakfu c'était différent de Dofus? Enfin, je sais pas, moi. Il y avait moi, déjà même, le côté, je sais pas, le graphisme un peu plus 3D réaliste, ouais. J'accroche chez moi, j'aimais bien le côté, voilà. Et je sais pas, ouais, au niveau du gameplay, il y avait un truc qui était différent. Et les persos n'avaient pas forcément oui, les mêmes pouvoirs, les ouais. capacités, etc. Ok. Voilà. Il y avait le début de Mentaliste aussi. Alors, au TF1, quoi. Moi, j'ai jamais rien dit. On zappe. Ah ouais, bon, zap. On me dit que 2008, c'est aussi la fin de Avatar, le dernier maître de l'air, apparemment. Fin de saison, fin de distribution, peut-être. Oui. Avatar Aang, voilà, le chauve avec la flèche. C'était jamais bon. On parle pas du film par M. Night Shyamalan, hein, par contre, s'il vous plaît. Ouais. Non, je sais que ça va faire rager. Il y a des bonnes idées, Dev Patel. Mais qui nous cite les acteurs, mais. Dev Patel, Ariana Grande, Josiane Balasco et le Michel Blanc. Toujours attendu. Le dernier maître de l'air, il était chaud déjà. Il avait la petite flèche bleue sur le crâne. C'est Michel Blanc. Écoute, c'est-à-dire que moi je cherchais un chevelu. J'ai pensé à Michel. Si tu veux le tuer, je te le passe après. C'est le plus grand, je te dis le plus grand. Et il y avait HeroCorp qui a démarré. Ah, cool. Très bonne série française par le frère d'Alexandre Astier. Simon Astier. Pardon, oui. Oui, bon, c'est bon. J'ai regardé. C'est des frangins ou quoi? C'était une claquette sur la main, quoi. Ouais, demi-frère. Non, mais je fais aussi champion parce qu'Alexandre Astier, dès qu'on interview, dès qu'on dit Simon Astier, autre effet. Oui, c'est pas faux. Mais j'aurais tendance à dire frère parce que. Oh, paye tes impôts, tu vois. Il a un tachon là, tu sais. J'ai l'impression que de plus en plus, mais il a du mal quand même à se séparer de l'ombre de son demi-frère, du coup, et je trouve qu'il y a un petit peu une répétition est, dans un autre domaine. Il est moins bien vu. Après, et le truc, c'est qu'aussi, il a. Je sais pas. Il aime des trucs qui sont moins popularisés. Genre, Simon Astier adore l'improvisation en public, tu vois. C'est un truc qui est pas forcément bien distribué, qui est pas beaucoup vu. Spectacle d'impro. Oui, non mais c'est vrai. C'est avec HeroCorp, avec la troupe d'HeroCorp. Ouais, avec la troupe d'HeroCorp contre les acteurs québécois de HeroCorp. En fait, les deux sont deux équipes et ils font des matchs d'improvisation. Et voilà. Mais c'est vrai qu'après, je trouve que HeroCorp, au niveau de la réal, il y a un truc qui est un peu mou par moment. Est-ce que vous aviez vu toutes les saisons, vous? Moi, j'ai tout vu, mais j'ai pas fini la dernière parce que moi, j'ai trouvé la dernière super bizarre parce qu'en fait, il était malade pendant le tournage. Donc oui, il a eu un gros problème de santé. Il a failli mourir en fait. Ouais, c'était un énorme problème de santé. Il a dû arrêter le tournage pendant plusieurs mois. Et il a eu, on sait. Non, il l'a jamais expliqué. Non. Et normalement, il devait faire ça sur plusieurs saisons. La fin, il a fait que sur une saison parce qu'il avait pas le budget. Et ça se ressent trop bizarrement parce que on voit que c'est écrit. Il a un peu bâclé des trucs et tu vois. Ça se termine comme ça en fait. Et un peu dommage la dernière saison. C'est un peu bâclé pour une fois. Après voilà, c'est des aléas qui sont mais malheureusement... ça reste une très bonne série française avec beaucoup d'envie et avec, ça qui a lancé aussi un super acteur, Alban Lenoir, qui aujourd'hui fait des films. Il y avait Jonathan Cohen aussi dedans déjà. Plein de il a lancé que du bon. C'est vrai que Alban Lenoir d'ailleurs il a commencé avec ça, aujourd'hui il fait que des films qui sont malheureusement pas beaucoup streamés non plus, mais qui ont des super potentiels et qui parlent de trucs un peu. Moi je trouvais que ça sentait un peu. Tu sentais qu'il y avait moins de budget que sur un truc comme Kaamelott, tu vois, enfin qu'on n'était pas. Voilà. Et qu'il y avait quelques problèmes de rythme, mais sinon, ouais, c'est vrai que les envies étaient là, t'avais des personnages vraiment marrants, tu vois, le boulanger qui fait du feu, bon, c'est un très gros spoil, hein. Et plein de. Et toutes les trouvailles de pouvoir à la con. Jean-Michel, le mec, quand il te parle, tu fais quoi? Et puis tu prends un ballon, ça c'était génial! Mais justement, et il y a. En fait, dans le perso dans la dernière d'Arnaud Samer aussi, qui fait que des sports extrêmes tout le temps sans raison. Et en fait, dans la dernière saison, t'as pas ça en fait. T'as pas genre. Ouais. C'est beaucoup plus sérieux, tu vois. Et oui, mais ça sent déjà vers la 3-4 qui essaie de tourner, tu vois, dans le truc. T'as moins ce côté marrant. Il se barre de. Bah, c'est le 4 de série. Il valorise à chaque fois que tu vois. Il y a Captain 3 machin qui est canadien. Captain 3 Rivières. Voilà, 3 Rivières. Et moi, c'est à partir de ce moment-là que j'ai appris. Et Captain Canada avec l'acteur canadien, je sais pas comment il s'appelle. Mais c'est ce qu'on disait avec Théo aussi. Il est difficile quand tu. Enfin, de toujours garder ton comique quand tu veux. Je pense qu'il y a plein de gens, tu vois, qui commencent. Bah, par exemple, prendre 4 son demi-frère. Kaamelott, ça démarrait, c'était un format court parce que ça lui était imposé, donc il faisait quelque chose de drôle. Ouais. Quand il avait de la liberté, il faisait ce dont il voulait parler. Je pense que lui, c'est le même cas et c'est le cas de plein de gens. Souvent, l'humour, c'est la façon de te faire apprécier. Et après, tu peux étendre sur ce que tu veux vraiment faire, quoi. Et je pense que lui, il voulait parler de ça. Non mais écoute, moi je... Voilà. C'était pas bien. Et Araignée Man, je vais parler de Alexandre Astier, qui était juste méchant. Pourquoi vous avez fait ça? Parce que le vilain. C'est méchant une araignée. Mais meilleure blague de... D'ailleurs, le personnage de Jonathan Cohen, c'est quand ils sont dans le village, là où ils ont le château, non? Il apparaît à ce moment-là. Il apparaît dans les dernières saisons, Jonathan Cohen, et en fait, il fait l'acolyte du méchant. En fait, il a pas vraiment de pouvoir, Jonathan Cohen, dans le film. Oui, mais c'est pas le mec qui justement monte son autre société de. Oui, c'est ça. En fait, il est nul. Mais justement, quand il l'a introduit, c'est trop marrant. Il est génial cet épisode. C'est surtout que c'est du Jonathan Cohen. En fait, c'est un personnage chez lui. Et c'est lui qui fait n'importe quoi. C'est quoi son pouvoir? Il a pas de pouvoir en fait. Il veut en avoir un. Il a un vieux prénom. Et il monte une association de super-héros. Et au moment, t'as le mec qui arrive, fait bonjour, je suis pas votre chef. Et lui, il fait oui, bien sûr. Il se retourne, il met un masque, il fait c'est moi. Enfin, pas exactement comme ça, mais c'est vraiment ça le. Qu'est-ce qu'on a eu? On va peut-être partir sur les spectacles. Bien sûr, aussi. En 2008, premier spectacle de Baptiste Le Caplain. Baptiste Le Caplain, et bah, j'adore ce mec. Oui, voilà, très très drôle. Salut, c'est Baptiste Le Caplain. Alors, je suis pas Bardot. Bon, j'ai fait une série qui s'appelle Pitch sur Canal. Il est toujours ultra excité de suivre. Il est hyper actif ce mec. D'ailleurs, Pitch qui est écrit avec coécrit avec Flaubert, qui est un mec très cool. J'adore. Qui nous a inspiré pour ce voilà qui est vraiment qui est la source d'inspiration principale pour on le cite à chaque épisode, c'est ça qui est bien. oui voilà, on a déjà dit sur deux, c'est bon, c'est beau. 2008, Elise Moon sort pour rester dans sa veste bien que Le Caplain. il y a un truc qui marche, voilà, je suis quand même né par mon père qui m'a transmis tout ce qui est inconnu, nul, etc. Mais aussi Franck Dubosc, Elise Moon avec les petites annonces etc. Et moi j'aime beaucoup Elise Moon et je sais plus quel sketch il y a dans Merki, je vais regarder tout de suite. Même les petites annonces, mais en général, les petites annonces ça me sort par les ouais, je sais pas quelle partie, mais ça en sort pas mal de parties. Vous me faites penser à Mercedes et Janine quand vous faites vos voix. Bonjour. Elles sont où tes pastèques brésiliennes? Benichas. Non mais je sais pas, je vais le supporter. Après moi j'ai toujours du mal avec Dubosc déjà. J'ai pas trouvé. Ouais, fou. Ah, moi, c'est non, tout le jeu, le beau gosse loser, j'adore. Mmh. Vraiment, il me fait trop rire. Faire des milliers de détours pour dire un truc hyper oui, simple. C'est ça. Moi, je sais que justement, l'année 2008, c'était le pic où je faisais énormément de vidéos, notamment de parodies, de reprises de Franck Dubosc. J'ai travaillé ma voix pour avoir la voix de Franck Dubosc. Alors, vas-y. Non, non, mais j'ai perdu. Hein. Non. Si tu l'as fait, tu l'as de base, mec. 5 secondes de Dubosc retrouvé. Ouais, c'est ta voix, en fait. C'est toi qui parle. Non, mais. Ouais. Enfin bon, mais c'est inspirant, Loustic. Vous savez-vous Moi, je fais une petite ambiance de fond avec la chaise. Je ne sais pas si ça plaît ou quoi. On peut l'intensifier, réguler. Chut, s'il vous plaît. On peut passer un moment un petit peu plus en profondeur, plus agréable. Peut-être se rappeler un petit peu de ce qu'on ressentait dans son petit ventre, son bas-ventre. Ouais. 5 secondes de Michel Leb maintenant. Oh là On serait pas noir. On coupera. Non, faut que les gens voient à quel point le jeu soit raciste. Il aurait pu être bleu. Enfin bon, on en était où du coup Je lis qu'en 91, enfin qu'en gros, le premier spectacle de Élie Dieudonné a été mis en scène par Pascal Légitimus. Voilà. Ah ouais? Info tout à fait croustillante. C'est vrai. Prenez-la et digérez-la. Prenez le temps de la digérer. Je savais pas qu'il avait pas mal mis en scène. De 2008 à 2010, Nicolas Canteloup entame son spectacle Deuxième Couche. Je trouve ça très bizarre comme nom. Voilà, c'est votre avis sur ah oui, Canteloup? Ah ouais, clairement. On dira pas plus. Ensuite, il y avait Il était une fois Franck Dubosc. Moi j'ai beaucoup aimé. Je laisse parler. C'est celui où il a le truc sur le front, je crois. Je suis là. Le mec connaît par cœur. Ouais, le mec. Ah non, c'est je vous ai pas raconté. Spectacle quoi. Bref, mais tous, je les connais tous. C'est le fameux. Oui, de toute façon, il fait son autobiographie et puis il reprend. J'ai envie de citer. Là, je dis autobiographie, j'ai envie de citer Florent Pagny. Jingle. À qui on a demandé un jour ça te dirait pas de faire un autoportrait? Il a dit un autoportrait de qui? Donc voilà, je trouve ça très drôle. Donc voilà. Est-ce que je peux dire que j'ai rien compris? Réagissez sur le chat si vous avez compris. Bah, si tu veux, quand tu dis autoportrait, ça va de soi que c'est toi qu'il faut alors, que tu Florent fasses Pagny, le portrait. Alors Florent Pagny, on lui a demandé tu peux faire un autoportrait, il a fait autoportrait de qui? Et le mec, il renifle, il expire, il lève ses lunettes et il dit de qui? Ah voilà quoi. Bon. Et con comme c'est toute bien. Toute la salle d'un coup. Rien bité. Mais du coup, il était une fois Franck Dubosc. Il y a la fameuse scène, justement, la première fois avec je ne sais plus quelle anglaise. Et il fait tout un truc. Il se calque un peu sur un la guerre Sandy. Du Vietnam. Oui, Sandy. Oui. Non, non, c'est ah non, Simone. C'est... Oui, Simone. Une anglaise, oui, voilà. Une anglaise. Et oui, c'est une grande mise en scène. Grand on a chacun. Bah, là, on rigole de trucs avec Jules, on rigole peut-être pas de trucs. Ouais, il parle de sa première fois, il dit plein de métaphores militaires avec des armes, etc. Très mauvaise blague. On juge pas le spectacle de Franck Dubosc, on est là pour mais juger. Mais je te dis pas que j'ai regardé il y a deux jours, j'ai aimé. Moi, je trouve ça très, très pire maintenant. Je trouve ça très bien et il y a bien pire. C'est vrai, c'est vrai. C'est pas beaucoup, tu fais beaucoup de sons. Vraiment, je te le dis. En termes historiques, je parle de dates et d'événements datés. Carla Bruni devient première dame en 2008. Yes. Wow. Donc on se rappelle que Sarko était au pouvoir. Ouais. Et on pleure un coup. Voilà. Ah, oh, c'était le bon temps. Après, il y a eu Hollande. Pas de gilets jaunes qui cassent les couilles, et pas de féministes. C'est Macron depuis un bon. Oh, on parle pas politique dans le PowerCast. Non. On est pas mais là pour ça. On parle pas politique. Mais Carla Bruni, attends, avec Sarko, là, l'autre. T'es des bigotes, Carla Bruni, ou je rêve. Alors, elle sait pas chanter, elle fait. Voilà, elle voit comme ça. Fermé ton claque-merde. Bon. Le 4 novembre, Barack Obama a été dit. Attendez, on a Carla Bruni qui est rentrée. Tu m'aimes encore. Serait-ce possible alors? Tu m'aimes encore. C'est sensuel quand même. Carla Bruni a son anus. David, son of a bitch. Le 10 juillet 2008. Est-ce que vous en souvenez? Qu'est-ce que vous disiez ce jour-là, les amis? Tu parles beaucoup. Non mais qu'est-ce que... Attention. Qu'est-ce que vous disiez le 10 juillet 2008? Sûrement chez mon grand-père en Normandie. C'est vrai? 10 juillet 2008, j'ai 13 ans. Ouais. Je me branle. Je découvre les plaisirs simples de la vie quoi. Le 10 juillet 2008, c'était le dernier jour de l'école primaire, le CM2 mais... Jacques Fer, très rieux, Talençonnet 01601. Bienvenue en France. C'est mardi. Alors, non mais ça a dû vous marquer, il y a eu un événement ce jour-là. Et c'est un peu comme les tours jumelles quand elles se sont effondrées. Théorie. Non mais moi ça mais m'a marqué autant. Français, vrai, non mais... c'était le dernier 20h de PPDA. Oh là là. Oh là là. C'est pour ça que les tours jumelles plus graves quand même. Ouais, ouais, ouais, si, ouais. Maintenant que je visualise les deux événements finalement, ouais, ouais, c'est pas ouf. 3000 morts, mais un mec qui s'en va. Il est très fort, mais il est là. Personne n'a tort, hein. Voilà. Le débat a lieu d'être. Son job, c'est tout. On a dit on parlait pas politique, hein. Mais non, oui, c'était une des larmes nationales, hein, on peut le dire. Si, si. Bon, après, il est parti au bon une moment. Une alarme ça, nationale. Oh, je joue sur les mots. Léo joue sur les mots. Et tu joues à quoi sur les mots? Ben, Scrabble. Trop bien. Je pensais à théorie du complot, genre PPDA c'est lié avec les tours jumelles, un truc. Regarde les lettres de PPDA, ça fait un peu des. Ouais, bah ouais, ça fait la marque des DP déjà, et voilà. Ça fait plein de flouze. Poivre blanc. Non, non. qui a acheté du poivre blanc après le CO2? Ah, tu parles en la marque poivre blanc. Ouais, ça a moi j'en ai jamais eu, je crois. C'est toujours mes potes qui l'ont eu, je trouvais ça cool. Ouais, moi pareil, bah pareil, j'ai mais plutôt. Oui, bah moi j'avais compris, oui. Oui, bah moi c'était sac, c'était l'intégral. Vous aviez du poivre blanc, vous? Mais non, moi aussi, pareil comme vous, ouais, c'était toujours mes potes qui l'avaient, genre c'était trop hype, et moi je le trouvais pas. C'est ça, c'est et je me disais, mais c'est nul, cool, moi j'ai une... je crois que c'est super chiant. Moi j'avais une trousse Digimon, elle était trop stylée, bon, alors que putain, j'aimais pas Digimon. C'était Pokémon version moins bien, quoi. Exactement, c'était genre on fait un Pokémon plus bizarre, ok. C'est parti sur 3 saisons. Même histoire. C'est à dire qu'on est jaloux, alors on va faire un truc quand même parce qu'on avait des idées. Oh, toujours les bonnes idées, c'est Jap. Allez, on y va. C'est exactement ça. Alors, juste une petite parenthèse dans le chat, on vous adore, vous deux, les invités. Oh, c'est vrai. Et il y a un petit cœur, je les aime avec un cœur. Voilà. Mais donc, je vous l'offre, les deux petits cœurs. Écoute. C'est bon. On découpe ton cœur en deux, on le recolle et on te le redonne parce que sinon tu meurs en fait. Ah ouais, c'est voilà, pour toi. C'est un organe vital en fait. C'est vraiment un organe vital. C'est-à-dire que si tu l'as plus, ça pompe rien quoi. Tu peux mettre un hamster qui court, mais c'est chaud. Ouais. Mais si, tu m'as montré, je crois, une fois. Enfin, tu m'avais dit, hé, regarde. Et non, vas-y, non, mais allez-y. Y'a pas de fin de blague. On a le droit de tout parler. Dites-le dans le micro. On a le droit de tout parler. Ok, on a le droit de tout parler. C'est une émission de Ruquier. Non, mais si, tu l'avais dit. Tu m'avais dit. Mon cœur, mon amour. Ça, c'était pour m'appeler déjà. Et donc, j'ai répondu à l'appel. Et t'avais sorti ton petit cœur comme ça, tout battant, bien chaud. Et tu m'as dit. Ça dirait de le partager. Oui, je parle au micro. Attention, nous sommes revenus. Nous sommes revenus. Jean-Jacques Bourdin qui interview ce matin Emmanuel Macron. Oui, oui, oui. Des réponses. Des réponses ce soir pour le président. Alors ce soir, je suis allé voir les SDF dans la rue, puis demain, j'ai enlevé 150 millions... Oui, oui, mais là, finalement, vous payez un peu... Non, mais je suis une merde, hein, je le dis moi-même, voilà, Macron le dit. Voilà, et ben voilà, on a dit pas politique, Théo, pas politique. Macron est une merde. Pas politique. Et le 4 novembre 2008, on a eu Barack Obama qui a été... Ça a déjà été dit. C'est bon ? Ouais. Ah bah là, vous l'avez dit 5 minutes avant... Justement, on avait dit on parlait pas politique. J'étais pas là ou t'es là. Si, t'étais là. J'étais juste avant le 10 juillet. C'est quoi, c'est une émission? Clément, t'es là, mais t'es pas là. Mais t'as du bifasson, c'est t'es raciste. Salut, c'est Léo. Mm-hmm. Mais qu'est-ce que tu fais là? T'es chez toi, Léo? Pourquoi Il y a toujours le je vous aime là ou pas? Ça peut pas supprimer. Là, je les adore, c'est bof. Le cœur est repris, je pense. Les petits cœurs. On a quand même un smiley bisou ou pas? Non, là vous avez rien. Il y a un smiley vomi. Et bah pour la paix, Anna qui nous a mis des cœurs aussi. Oh là là, on embrasse oh là là. Anna, notre mère à tous. Embrassons avec ferveur. On va passer. Voilà. Alors, on va passer à la dernière rubrique. Oui. Les loustiques, les lombriques, les trio games. Est-ce que vous aimez? Alors déjà, je vais faire un petit jingle rubrique. C'est la rubrique. Non. Au départ. Non, vas-y. Il a parlé en même temps. Non, désolé. C'est la rubrique jeux vidéo. Jingle juste pour rire. Oh non, c'est fini. Est-ce que vous ta gueule aimez... Pardon. Est-ce que vous aimez les enfants? Répondez-moi. Ah. Est-ce que vous aimez les jeux vidéo? Oui. Ah d'accord. Je crois... C'est un grand oui. Enfants, ou... C'est un grand oui. Est-ce que toi, Théo, en ce moment, par exemple, t'es un peu sur Red Dead Redemption 2 tout le temps? Ou ça va plutôt, Parle-nous-en un peu, s'il te plaît. C'est pas franchement un jeu, je veux dire. C'est la vie. T'ouvres une pochette. Oh putain, t'es encapuché dans un monde exotique. Ok, c'est bon. On voilà, parlera 1899, pas plus de. On pourra faire du 199. J'ai beaucoup d'anecdotes là-dessus. En tout cas, dans le quartier de Valentine, c'est très adéquat. Ah oui, quelle époque. Je vous en prie. Ce saloon. Alors, donc, on a pas mal de jeux vidéo qui sont sortis. Vraiment, en plus, une belle année pour les jeux vidéo aussi. Donc, ouais, en plus, genre la Wii était sortie il y a pas longtemps. La Wii était sortie il y a 2 ans. Ouais, 2006, ans, la Wii. Mais en fait, en 2008, genre... ils ont sorti les bons jeux sur Wii. En fait. C'est mais ça, exactement. Ouais. Vous allez voir ce qu'on y va y vous laisser. Il y a pas la PSP peut-être qui est sortie en. Non, je sais plus. C'est plus vieux, non? Oh, c'est possible. Je vais chercher. Ouais, ça doit être d'un an ou quoi. Attendez, je cherche PSP, bougez pas. Battlefield Bad Company, qui est le. Moi j'ai pas joué à Battlefield, j'ai vraiment jamais joué à Battlefield, mais. Moi non plus. Apparemment c'est genre le. Le mauvaise compagnie. Bah oui, voilà. Qui cartonne et genre avant, okay, juste Battlefield 3, quoi, enfin après plutôt. Et donc apparemment un monument pour les connaisseurs. Ok. Alors le Calandro, il nous écoute. On n'a pas beaucoup de connaisseurs, j'ai l'impression. Battlefield, j'ai jamais été trop fan. En fait, je suis pas fan de FPS moi de base, donc. Pas très et toi qui n'es pas friand de FPS, ouais. On voit là un autre Call of Duty World at War qui est, je crois, le dernier Call of Duty qui traite de la guerre mondiale. Après, c'est devenu Modern Warfare et Black Ops, etc. Et c'est là que ça a pris une ascension quand même assez vertigineuse. Oui, ils sont sortis à faire de la merde. Et je crois que c'est la fin de Medal of Honor aussi parce que. Ok. Une ancienne licence qui est morte. C'était le c'est le trait, quand tu meurs dans les hôpitaux. C'est ça. Voilà, c'était pour représenter la mort. Léo, toi, ça ferait quel son si tu mourais demain? C'est bien que si je vais à ton enterrement. Il est claqué ton dernier souffle. Alors vas-y, si tu allais à l'enterrement de Léo, Théo, tu ferais quelle musique avec l'harmonica? Vas-y. Déjà, je dirais, mon salaud, je me rappelle la soirée, au début des bonnes patates. Tout le monde enterrement se ferait chier. C'est tellement incroyable. On va pas la fermer, l'autre. Bon, allez, pour dire adieu. Ah, oh, ça me touche. Un train qui voilà. passe. Oui, bah. Et après qu'il ait joué ça. C'est fugace. Non, mais après qu'il ait joué ça, je veux que Jules passe du Britney Spears. Quoi? Non, mais attendez, moi je suis stagiaire. Ok, mauvais sens. Déjà. Café. Je vais vous faire Toxic. Alors, c'est plus le mode étoile dans Mario Kart, mais t'as un truc. Voilà, on c'était appuie sur le champignon. Je vous le rends plein de MST. Merci. Bien à vous. J'ai le pas en 2008 pour ce est soir, sorti Dead Space, jeu d'horreur dans l'espace intergalactique. Ouais. C'est Alien Isolation ou c'est Dead Space? Bon, j'ai très peu joué à Dead Space. Mais attends, Alien les jeux comme ça, tu connais ça toi dire. Fallout 3, ouais. Vous avez joué à Fallout un peu? Là, donc, licence très connue. Ah oui. Putain, j'ai mis grave du temps. Post-apocalyptique. Mais le 3, il était pas bien, non? Le 3, j'en sais rien, j'ai jamais joué à le 3, New Vegas, c'était bien. Ouais, voilà, le 4 c'est ça. Moyen. Et Fallout 76, celui qui est en ligne, est à chier. Ça a l'air d'être de la merde. Ah bah, j'ai pas compris. Ouais, je dénonce, moi. J'ai pas compris. Non, mais il y a un fantôme, vous inquiétez pas. Ah. On est en direct sur Powercast, émission avec des fantômes invités. Tous les morts qu'on a cités. Charles, vas-y. Charles. Putain, il y a Carlos, les gars. Charles, j'ai perdu mon vibrateur quand je suis mort. On s'est arrêté un peu. Ouais, non. Bon, Charles, ça combien de temps? Repartez, c'est bon. Ah, mais Carlos, pourquoi c'est pas? C'est sûrement pas la dernière. Carlos, Carlos, on peut vous avoir? Vous pouvez venir, s'il vous plaît, Carlos? Allez-y. Big bisou. Ah, mais vous chantez tous, en fait. C'est vraiment. Vous ennuyez au paradis, je sais pas. Ou... Big bisou. Ok. Le paradis, ce serait fantastique. J'ai une requête. Théo, fais-moi un rap sur Carla Bruni. Ok. Carla Bruni, depuis que t'es à l'Elysée avec Nicolas Sarkozy, t'as vachement plus bruni que quand avant tu faisais des chansons pour des enfants trop petits. Vas-y, avec ton élite, tu peux aller te coucher. Tu crois que t'es une pépite alors qu'en fait t'es trop amoché. Nekfeu a bien se tenir, on est ringard. C'est le retour de Ken Master. Et on retourne sur les grosses têtes, c'est. Grosse tête, j'aurais gardé. Et 50% sur les caleçons. Oh le bon rabais. Et 12 pontes. GTA 4 cette année-là aussi. GTA 4, alors c'est. Moi j'ai joué au 5 donc vraiment. J'ai, franchement, j'ai joué au 1, au 2, au 3, pas au 4. À Vice City, à voilà. Le mec il a mal prévu son émission. Ouais, j'ai on pas a fait des jeux qu'on a pas joué en fait. Merde. Pour le moment, il y a aucun des jeux qu'on a cité que j'ai vraiment. Alors ouais, peut-être Left 4 Dead 1. Tetris. Moi j'ai joué au 2, beaucoup au 2. J'avais eu la chance de recevoir une clé sur Steam. Et alors là, on attaque le jeu un peu qu'on connaît bien. Sensé. Little Big Planet. Super cool. Très beau. C'est vraiment le truc que j'entends derrière. C'était au lancement de la PS3 et après j'y ai joué. Théo me fait présentement la tête de ton grand-père qui est heureux d'apprendre que t'as fait un truc mais il y pige rien. Les froncils relevés, les yeux mi-clos et le sourire bonnet. Fais un petit papy qui découvrirait le podcast Powercast par exemple, qui connaît rien. Putain. Bah alors papy. Une seule réaction. Vu que j'ai cliqué sur chaque lui. T'entends des gens, non? C'est des gens que t'entends là. Attends, mais Black ils sont Valdec vulgaire, les loustins. Bon, allez, on arrête. Il est creusé, non, mais... fatigué, il a envie de dormir. Mais oui, non, Little Big Man, très bon film, Little Big Planet. Encore meilleur. Bien. Super. Mario Kart Wii, que j'ai énormément squatté. Ah, de pareil. J'ai vu la Wii. Voilà. Alors que c'est vraiment pas le meilleur. C'est tellement loin d'être le meilleur, mais je crois que c'était. En fait, moi, le truc, c'est que c'était le. Genre, la Wii, ça a été ma première console à moi. tu vois. Et du coup Mario Kart c'était mon premier Mario Kart à moi. À moi. Et donc non mais ça change tout. Genre avant c'est la console de ton grand frère. C'est vrai. Tu joues au jeu mais c'est ceux de ton grand frère. Là c'est à moi et du coup genre c'est le Mario Kart que j'ai séché parce qu'il y avait des motos. Et les motos c'est stylé. Oh t'as des motos, tu fais des dérapages. Eh hey, vraiment vrai, les roues arrière mon pote. Vous jouiez avec les GameCube ou Wiimote et Nunchuk avec le volant? Ouais, c'était la découverte. J'ai fait Wiimote Nunchuk. Ouais, moi j'aimais bien le volant, je sais pas pourquoi. J'avais 10 ans en même temps. Les sensations. Mais GameCube à fond. Ouais. D'ailleurs même sur la Switch ils ont sorti l'adaptateur tellement la Mega GameCube personne veut la quitter en fait. Ouais, bah je l'ai en ce moment et c'est un bonheur. Pour le Smash Bros. Pour le Smash Bros. Oh, tu filmeras ton code ami. Tu peux même jouer bah, du coup à Mario Kart aussi, ouais. À Zelda, à plein de choses tu peux jouer. Ensuite on a Mirror's Edge. Moi personnellement j'y ai joué, je l'ai acheté. Ouais. Mais par contre je l'ai absolument pas fini parce que je trouve ça hyper répétitif, c'est super chiant. Ça a l'air d'être du parcours quoi. Ouais c'est ça, j'ai pas tenté non plus, c'est genre hyper. C'est hyper tout le monde dit que c'est très très quali et moi pas le chanteur. Hein. Mais pareil, je trouve que c'est un peu. Enfin c'est sympa quoi, mais. J'ai trouvé le jeu un peu moche pour de la PS3. Il y a eu un bisou. Tu veux que je te fasse. J'ai l'impression que dès qu'on se met à parler sincèrement, ils se font des trucs bizarres. C'est vrai. Ils se font des petits bisous. Non, Mirror's Edge, très basé sur le level design et pourtant je trouve qu'il est pas fou, tu vois. Après, t'as un semblant d'histoire. T'as surtout, après, la ville est belle, c'est tout. Enfin voilà, t'as des jolis jeux de couleurs, mais franchement, pas top. Qu'est-ce que vous foutez? Non, il y a. Non. Qu'est-ce qui se passe? Communicatif. Non, mais il y avait aussi Super Smash Bros. Brawl. Ah, mais bien. Parlons-en. Là, on peut en parler. Le titre boudé de la série, alors qu'il a alors que, un mode aventure incroyable. Et ouais, de personnage. Ouf. Enfin, alors que le. Olimar le... Ouais, non, mais le pire Smash Bros, c'est quand même celui de Wii U et 3DS. Non. Smash 4, 3DS peut-être, mais Wii U, il est très bien. C'est quoi le souci avec Wii U? Wii U, je trouve que c'est le mieux. Enfin, maintenant, il y a Ultimate, mais c'était le mieux équilibré en termes de vitesse. Que pouic. Il me chie à la gueule là, il me fait un regard. Vous faites quoi là? Vous voulez vous battre ou... J'ai soufflé avec le nez, on peut d'accord se battre. C'est violent. Wap. Et wap. J'ai pas peur. Non mais en vrai, Brawl, très très très cool. Et plein de nouveaux persos vraiment. Enfin, moi je sais pas. Bonne mais surprise. Brawl, j'arrive plus à y rejouer maintenant. Ah ouais, ouais. Depuis Ultimate trop Depuis Ultimate et Ouais, mais Ultimate en même temps. Et tu sais que, genre, j'ai rejoué à Melee avec des potes il y a pas longtemps. Melee? Ouais. C'est à cause de Melin? Paris-Bordeaux-Le Mans. Et. Et en vrai, il est à côté d'Ultimate. Je trouve qu'il y a le gameplay est hyper bizarre. Il est hyper rapide et c'est en fait trop... le problème. Je trouve c'est qu'il est vieux. Ouais, il est rapide. Mmh. Les personnages sont lourds et puis en fait, comme le jeu est vieux, avec le Ganondorf, dans plein de touches qui passent pas et c'est galère. Par contre, déjà pourvu de beaucoup de contenu, de la meilleure intro, je pense. Et déjà de belles choses et en vrai, Smash une Bros. Solide base pour une licence. Smash Bros. Brawl, meilleur thème musical de la série Smash Bros. Ouais, franchement, il est pas mal. Et mémorable. On peut le faire? On le fait les cœurs, attention, 3. 1, 2, 3. La la la la la la la la la. C'est version Zouk. La la la la la. LED. La la la la la la la. Il est où le bonheur? Il est où? Non, c'est pas mal, stop, stop. Merde. Oh, je dis vague. Vague. Tiens, je redis vague. Vague. Oh, le salaud. Il est bon. Il a tout misé là-dessus. Petit sketch, petit sketch de nos deux personnages préférés. Comment? Petit sketch de nos deux personnages préférés. Allez, faites Macron et. Et sa femme là, elle a genre 30 ans de plus. Allez, et là, le gilet jaune contre Macron là. Flyrider là, on t'entend moins. Hein. Qu'est-ce qu'on fait du coup? Un gros blanc. Okay. On fait un gros blanc. Ça, c'est faisable. Qu'est-ce qu'on fait? Bah, comme on n'a pas d'idée, on enchaîne sur Star Wars, le pouvoir de la force, le jeu. Oh là là là là là. C'est un jeu solo où, tu sais, sur la pochette, t'avais un Jedi Sith qui tenait son sabre à l'envers. Déjà stylé le Déjà, mec. Voilà. Rien que pour ça, t'avais envie. Film, non. Jeu assez mal développé, apparemment très moche, super mal optimisé et tout, mais avec un gros contenu et. Belle envie finalement, enfin, ouais, voilà, vous avez envie de faire un beau truc. Joues, en fait, bon, bah voilà, la première mi-temps était concluante et après, bon. Ils ont très bien fait la J'ai fait un blanc, voilà. Mais tu fais un blanc. Est-ce que je fais un blanc? Non, vas-y, vas-y, Jules. Oui. Et non, juste en fait, c'est un jeu où tu joues l'apprenti de Dark Vador en fait, juste après Star Wars 3. Et c'est super intéressant, du coup, tu vois un peu d'entre deux. Non, mais je crois que tu disais que c'était pas terrible, du coup. C'est pas très bien fait, mais il y a une vraie envie. Au niveau de l'histoire, fait. Ouais. Non, au niveau technique, c'est pas très bien fait. Oui, oui, mais. C'est pas un jeu très bien réalisé, apparemment. D'accord. Mais je le recommande. Alors là, on va enchaîner avec deux titres cultes de Wii. Attends, bah, puisque Léo fait de l'harmonica. Oui, bah alors, Wii Music. Allez, musique, ouais. Est-ce que vous avez joué à Wii Music? Non. Mais là, il fait de la musique. Alors Théo. Jake and Paul and Freedom. C'est pas une réponse. Je peux pas répondre en chantant. Alors, oui, musique. Oui. Musique. Malheureusement, non. Je n'ai plus. J'étais. Alors Clément a voulu faire un high five à voilà, au bout de la j'étais table, très fort à Wii Sport, au tennis. Je prends n'importe qui au tennis ou au bowling, mais aussi au golf. Ça, c'est mon dada. Le Wii Sport. Ah, Wii Sport, oui, oui, oui. Sport. Bon, j'arrête. J'ai tapé sa main, j'ai tapé la main de Léo. Ça a touché. Je vois qu'il y a du muscle aussi autour de la table. On peut parler de Wii Fit. Qui est allez, yes. Perso le plus chiant de Smash Bros. Non, ça fait rire. Avec ses sifflets. Et j'ai jamais eu Wii Fit, mais c'est un truc que j'aurais moi, adoré en vrai. J'ai la balance board. Ah ouais, si vous voulez, on s'en fait un après. On se fait, ouais, les gars, on fait une session. Session CrossFit. Ça veut dire stream sur Twitch. Oh non, mais les gars, c'est la fin. Regardez, c'est la fin de la liste. Attendez, on a plus la liste. Oh, et on a quoi sur le conducteur? On a rien. C'est incroyable. On a plus rien. Les gars, et on termine comme ça? Non, on va pas terminer comme ça. Bah, oh, ils sont. On peut appeler, on peut appeler Bigard. Sa veste. Oui, ah, je crois que je crois qu'il y a Bigard à ma gauche. Par contre, attends, viens. Ouais. Prenez la place de Théo. S'il vous plaît, Théo, tu peux laisser ta place, merci. Putain, putain, tu pèses. Oh. Bonsoir Jean-Marie. Bonsoir Jean-Marie. Salut Jean-Marie, ça va bien? Théo, mets-toi dans le coin, voilà, c'est bon. Eh, tu restes juste à côté, je te rends ta place, hein. Hey, ouais, ça va? Bah ça va et toi? Bah alors ouais. Putain j'en ai. Eh hey, j'ai déchiré du futal juste avant. Non sans déconner. T'étais où? T'as déchiré du futal? Pardon je vous ai tutoyé mais. Bah le mien. Tidas. Non mais non, attends je rends la place de ton pote parce que là. Ouais t'as rien à dire, vous avez plus rien à dire Jean-Marie. Putain vous êtes très très rapide Bigard, je pense qu'il est très timide. Il repart en courant. Ah non, c'est Jean Rochefort. C'est Jean Rochefort qui revient sur le devant de la scène. Qui vient là? C'est-à-dire que vous êtes fatigant quand même les mecs. Ils ont un peu la même voix. C'est ouais, c'est Jean-Marie ou c'est qui là? Non mais attends. Vous pouvez dire votre nom? Je vous reconnais pas en fait. Ah bah moi c'est Théo hein. Bah je faisais Théo depuis le début. Hein. C'est, je crois que c'est le film où Heath Ledger est mort en fait. Et ouais. Ouais. Et okay. Alors, j'ai reçu. Est-ce qu'on peut faire un petit applaudissement pour Emmanuel Anton qui était le parrain un peu de l'émission et absolument qui a un stage pour Kaamelott. Voilà. Oh, c'est admirable. Oh. Ça me fait un peu mal en vrai. C'est important. Yo. Je vous aime tout autant l'un l'autre et vous êtes si beau. Ah ouais. Qu'est-ce qu'on fait, Clément? Oui, est-ce qu'on arrive à la fin de ce podcast? Est-ce que vous voulez qu'on refasse un peu comme la semaine dernière on a fait? C'était que je parle plus. Et un gros bisou à moi qui a pas eu de stage sur Kaamelott. Ouais. Tous les gens qui ont rien fait sur Kaamelott, on les applaudit. Allez, okay. Beauté. Théo, t'as un truc par rapport à Kaamelott? J'ai connu. Hey, du son de Kaamelott. Ouais. Non, beaucoup de choses à couper. Hein. Jules, t'as quelque chose en rapport avec Kaamelott? J'ai connu. Ouais. Et toi Clément? J'ai connu si. Ouais. Qui connaît pas du coup, c'était pas l'ingé son de Kaamelott qui était prof à l'art. On dit pas plus. Bon, allez. Je l'ai dit tout à l'heure, tu es là. Oui, mais il devrait j'avais non, il y avait un truc la semaine dernière qu'on avait fait. Ouais. On va pas le refaire parce que voilà, d'ailleurs moi j'avais rien dit mais c'est pas grave. Mais en fait comme tous les autres, c'était très bien. C'était juste bah là 2008, c'était il y a quoi? Il y a 11 ans ouais. Hein, quand même. Et qu'est-ce que vous diriez un peu à vous de 2008? Ouais, putain, ça plombe l'ambiance en général. Dose. Non, arrête de péter, je être Théo par exemple. Que... Non, pas forcément déprimant, mais je sais pas, un truc à lui souhaiter. C'est une séquence un petit peu. Émotion. Ouais. C'est parti. Les larmes vont couler. C'est-à-dire que. Non, je pense que. Je parle en micro carrément. Donc vraiment, j'ai le droit de m'exprimer là-dessus. La libre antenne. Écoute, Théo. Maman est près de toi. Tu peux lui dire, maman. Je suis quelqu'un pour toi. Oh ouais. Ouais. Ouais. Non, mais je sais pas. Après, si t'es 11 ans, t'es dans la jambe ambiguë de la puberté qui pointe le bout de son nez sur le point. L'âge un peu ingrat, comme on dit. La pointe de ton propre nez, absolument. Et reste enfant jusqu'à l'immortalité. Peter Pan. Putain, on va arrêter là, on va passer à Léo. J'ai pas de choses à dire, je crois, là. Non, en fait, je voulais dire, c'est plus. Vas-y, vas-y. Qu'est-ce que je pourrais dire en mode. Moi, je vais être pathos de ouf. Vas-y. Pathos. Non, je vais pas oser la dire. Écoute, ouais. Je sais pas. Yo. Tu ne. Non, écoute, Léo de 10 ans. tu es déjà très mignon en train de faire du surf. Surfeur, ouais. Alors, t'étais sportif. Sache que tu. Pas du tout. Sache que tu abandonneras très vite cette passion née cet été-là, d'ailleurs. Au départ de PPDA. Non, PPDA. C'est ce qui a arrêté ton carrière sportive. C'est pour toi, Patrick. Non, écoute, Léo, tu ne déçois pas encore les gens. Donc. Arrête, arrête. Continue. Et profite bien de ton chat qui mourra dans quelques années, que tu aimes tant. Et de toute façon, on est tous vieux à mourir, donc fais des blagues. Oh, c'est bon. Et fais des blagues, genre un 6 mars 2019 avec tous tes amis. Faites des imitations et tout. C'est beau, non? C'est beau. Oui, c'est beau. Voilà. Ouais, merci Théo de soutenir. Bah, oui, je trouve ça beau, effectivement. Clément, imitation de Barack Obama à 5 secondes. Guantanamo. I am Barack Obama. Putain, oh là là, c'est bon. President of pour moi, t'es président. Ouais. Non, mais voilà. Ça y est, là, j'y vais. Les gilets jaunes, c'est fini là, mon gars. Ok. Les gars, moi, je suis Flyrider. Hein, je suis meneur des gilets jaunes. Si j'étais devant toi, tu me tuerais? Genre, je suis Macron. Tu es Macron? Bah, je te bute. Je pense que la seule manière de régler ça, c'est sur un rap battle. Ok. Macron, tête de con. Oh! Qu'est-ce que tu vas dire, toi? Écoutez les Français. Macron démission. Vous voyez, vous me laissez même pas parler. Petit fion. Voilà. On peut pas parler avec les gilets jaunes. Voilà, c'est ce que Macron a dit. Elle t'aime les champignons. Non, mais c'est un gars. C'est sur tes pieds. Macron, t'es dans. J'ai lâché l'instrument. Et toi, Jules, t'aurais quelque chose à dire, un petit truc? Sauf si c'est la oui, même. J'aimerais bien vous entendre aussi. Les... Non, je prenais juste mon temps pour roter silencieusement cette fois. Jules, tu as 12-13 ans. En 2008, je crois que tu es en 5ème, donc tu viens d'avoir des cours de physique. C'est pas ouf. Qu'est-ce que je peux te dire d'autre? Tu vas redoubler en 4ème, c'est triste, mais sache que c'est pas si grave puisque tu le feras une deuxième fois même. Tellement tu es trop goût. Et si t'avais pas redoublé? Peut-être tu nous aurais pas rencontrés, peut-être qu'on n'aurait pas fait ce podcast. Peut-être qu'on dirait. Ouais, aussi. Jules, redouble de ouf. Vas-y, ouais. Te pose pas de questions. Ouais, rate ton année. Ça va être nul sur le moment, mais après ça. Allez, fais ça. Vas-y, dis à la baisse, c'est les grosses. Les heures de colle, tu fais une page minimum. Je suis chaud. Je suis un mec chaud. Et toi, Clément, qu'est-ce que tu dirais à ton toi de 2008? Profite donc de ta jeunesse parce que ça passe très vite. Et là, tu vois, pas de regrets en 2008. J'ai pas de souvenir de ça. Mais en vrai, tu vois, là, j'étais à la montagne. Profite de tes grands-parents. De ton, ah, tu vois, là, j'étais à la montagne. Papy René, quoi. Voilà. Sacré René. Profite on l'embrasse. De René, bien sûr. Qui est au ciel. Oh. Non, mais c'est vrai. Et ouais, non, voilà, après, c'est cool, profite, mec. Bah, c'est surtout que, putain, moi, je trouve que ça passe vite, quand même, les petites années comme ça. Non, mais c'est vrai qu'on a un âge où, quelque part, tu te rends pas compte que t'es encore enfant. Jusqu'à 15 ans, c'est long. Ouais. Et après, ça déballe, genre, à une vitesse folle, quoi. Super vite, ouais. C'est l'éclosion. C'est la fleur profite de ces longues années, parce que, voilà, c'est cool. T'as pas trop de responsabilités, t'as pas encore la carte. Et genre, tu te poses pas de questions. Parce que à un moment, il y a quelqu'un aujourd'hui qui disait ça. À un moment, t'as le regard des autres qui intervient dans ta vie, et c'est super dur à gérer. Toujours moi. Et moi, voilà, pareil. Là, c'était il y a 11 ans cette photo, et là, je me posais pas de questions. Tu faisais du surf, mec. Voilà. Et aujourd'hui, genre, c'est hyper dur. Rien que de sortir dans la rue, tu te poses. Enfin, moi, ça me bloque, tu vois. Avant de super attention à plein de choses. Ouais, voilà, c'est ça. Et c'est hyper, enfin c'est très douloureux. Voilà. Après, je suis pas à plaindre. Hein. Je suis désolé. Il y a des gens qui ont des. Non, mais en tout cas. En plus, on est des mecs blancs, donc aucun souci. Elle est belle la société. Blanc privilégié. Voilà, c'est ça. Tous très beaux. Cette suranalyse. D'ailleurs, ça, c'est triste. Hein. C'est bien que tu t'en rendes compte, petit Léo. Et dis à tes copains que les femmes ne sont pas des objets, parce que j'en connais un là en 6ème 2 qui était un peu chiant. Allez, je te prépare. Un petit message, j'entends que t'es là. Je te prépare la bagarre. Donne son nom, ouais. Alors, Théo, toi, on va pouvoir te retrouver où? Bah, les chrous. Sur Melun. Alors, il y a le projet d'agrandir la terrasse chez mes parents là. Non, mais rigolez pas, c'est un projet très sérieux. Allez, chrous, c'est mon activité du moment. Et puis voilà, écoute, méditation, tantrisme. Est-ce que tu vas tenter la pergola? La pergola, elle est. Je crois que ça fait partie du projet, ouais. Yes. Tout mais à sans fait. Déconner, c'est un projet d'actualité de la terrasse. Oui, mais moi j'ai. T'as besoin de bras ou pas? Parce que ouais, si vous voulez, carrément. Ah oui, bien sûr. Quand même, Bah, on va faire un petit muret, quoi, je veux dire. Vraiment, pas ouf, quoi. Ouais. T'as une heure en train, non? Même pas. De l'échrou à Lyon? Non, mais sinon, alors. C'est une heure et demie en tout. Laisse pas parler. Ah non, mais moi je suis, si tu veux. Tu accapares le micro. Ah, pardon. Non, mais voilà. Non, je croyais qu'il fallait que je réponde un peu. Mais c'est vrai que c'est les seuls problèmes. Théo, toi, si on veut te voir sur l'internet, puisque c'est un peu des gens qui regardent internet, on peut te retrouver du coup sur la chaîne Olive Royal. Tu as joué, on l'a dit en début d'émission, Professeur Eustache, Passoire, dans la superbe série qui est Story of Nothing, et on attend l'épisode 3 avec impatience. Moi aussi, j'ai un petit rôle. L'épisode 3 aurait dû être fou, et il sera fou un jour peut-être. Bah, le scénario est fou en tout cas. Voilà, ouais, il est bien écrit d'ailleurs. Et d'ailleurs, pour ceux qui n'ont pas vu Story of Nothing, sachez que Théo joue super bien, sans déconner. Voilà, voilà, c'est pour ça qu'on vous recommande d'aller voir. Et donc, Théo Turac, CO Turac sur Facebook. Et là, il est super gêné, baroque glam rocker sur Instagram. Absolument. Et Michel Leb sur scène. Et Popek. Et Marlène Détrite sur Switch. On te voit pas mal sur Olive Royal finalement. Oui, bon après, si on veut farfouiller, il y a toujours les petits courts-métrages de lycée. Oui, moi j'ai vu. Une vidéo incroyable avec un faisant aussi. Oui, c'est vrai. Une reprise de What Is Love. Si on veut aller sur ma chaîne. Oui, elle est géniale. Ça s'appelle comment? Faites des abonnés, ça s'appelle Théos. Il y a deux vidéos, mon film de bac. Ça s'écrit comment, Théos? Voilà, ça vaut ce que ça vaut. Théos? Non, par contre, il y a vraiment. Oui, Théos. Le clip du faisant. C'est Théo avec un S à la fin. C'est ça, tout simplement, majuscule T. Et voilà. Et puis il y a un certain faisant qui fait une course endiablée avec moi. Et à la fin il se passe quelque chose. Et c'est sur le magnifique soundtrack de What Is Love d'Adaway. Mais beaucoup d'autres projets viendront. Notamment j'ai recontacté ce faisant. Et puis certainement la suite, le chose dans la même veine, j'ai très hâte. D'ailleurs, faisons une deadline. Oui, bonjour, j'aimerais faire un film. Faisons une deadline. Ah oui, j'ai un projet aussi. Allez, qui s'appelle Oui, bonjour, j'aimerais faire un film, qui parle d'un mec qui veut faire un film et qui appelle un producteur. J'en dis pas plus. C'est vrai? C'est vrai? C'est vraiment vrai. Ça oui, oui, toi tu joues le film? Ah non, moi je. Tu joues le bonjour? Le producteur? Non, moi je joue pas. Je serai à la technique. Ah ok. Ouais. Okay. Mais c'est vrai, t'as vraiment ça? T'es vraiment dessus. T'as vraiment ce projet, tu viens de nous l'annoncer comme ça et pas nous dire. Bah en fait, parce que je pense que ça fait des... Non, mais parce que ah bah non, en vrai ça fait des mois qu'on a envie de le faire. Et on se pose pas de deadline, hein. Et du coup je pense que le dire rien qu'à vous, tu vois, ça nous motive de... Bah là, c'est vrai, c'est vrai, ça concrétise un peu. Entier et... Internet vous mondial. Là, hein. Vous êtes les bienvenus, c'est, voilà, c'est juste les circonstances un peu actuelles. Et le bal des nazes aussi, donc si Manu... Il y a beaucoup moins. Non mais arrête. On s'en fout sur ta chaîne. Non d'accord, non, mais Manu Prat, si tu nous écoutes, poste donc ce teaser sur... Au moins le teaser. Putain, oh, je te l'ai monté, on peut le garder en privé après le court-métrage, mais rien que le teaser est drôle. Rien que le teaser est très très bien. Il y a une scène de combat entre le mime Marco et voilà. On n'en dit pas plus, c'était un super projet. Moi perso, j'ai bien aimé. Enfin, si on peut revenir sur les bars des Nas, c'était une belle expérience au final. C'était fou. C'était un autre monde. C'est ça. Improbable, quoi. En fait, en gros, pour expliquer, on est parti donc l'été dernier avec vous deux et d'autres amis aussi de l'école. Et on se dit, on va dans le désert d'Espagne. On part 5 jours et venez, on fait un film. Mais genre. Pas d'idée plus que ça de faire un film. On avait une idée par rapport à un c'est groupe. C'est où Théo avait peut-être un truc comme ça avec un groupe de musique. Ouais, l'idée c'est qu'en 3 jours et demi, j'avais pas envie d'imposer un vrai tournage aussi, que ce soit semi-vacances. Ouais, sauf que l'un et l'autre sont pas forcément compatibles. C'était super dur à gérer. En équilibre. On a vraiment et du coup, voilà, j'ai eu quelques coups de gueule. Oui, léger, clairement, clairement. Léger, mais des gens. Je t'ai tapé, Léo d'ailleurs. Oui, ouais, bah, je crois que tu m'as molesté. C'était pas des piqûres de moustique. Ça va mieux maintenant ton. Bah écoute, j'ai plus de bras gauche. C'est dommage, j'étais gaucher. C'est le gars qui te balançait des pierres sur la gueule à 2 mètres. C'était ouais. Putain. Non, mais voilà. Bah, en fait non, on s'engueulait pas, mais c'est juste il y en avait, ah non, en fait, qu'il y avait des tensions, on essayait de faire le film un peu bien et de prendre des vacances. C'est super dur à gérer, voilà. En fait ouais, il y avait une team film et une team vacances, c'est ça. Pas vraiment, non, parce qu'on voulait tous des vacances. Non, ça dépendait des jours. Alors, des jours t'avais des gens chauds pour le film, d'autres pour les c'est vacances, des conditions c'est compliquées quand déjà en plus c'est quelque chose de très absurde et c'est bien qu'on tease un peu si on le sort. T'avais un mec, il faut pas s'attendre pas... à un produit fini, ouais. Vraiment c'est, mais t'avais un mec qui avait jamais de team. C'est Gaspard. Ouais, non, Gaspard, mais... il était en vacances. Gaspard est descendu à 15 heures de route pour pioncer. Ouais. Lui, c'était les vacances. Sous le soleil. Non, mais en vrai, moi, je trouve que c'est un produit de trop bizarre. En fait, ça fait un... C'est un... Moi qui suis le monteur du coup du film, Okay, qui oui. est la dernière version en date. Et c'est n'importe quoi, mais c'est un n'importe quoi beau. En fait, c'est fou. Bah, c'est un super souvenir, en fait. Bah voilà. Ouais, en vrai, c'est tu repenses à dire. Waouh. En fait, ça, moi, ce qui m'a fait vraiment plaisir, c'est que bon, bah, on était une majorité du coup être un promo qui a fini à notre école. Hein. Lol. Ouais. À l'année dernière. Chômage. Et je trouvais ça intéressant qu'on reste dans l'état d'esprit de faire un film de gosses, de, ouais, c'est de ça, vacances. Qu'on ait juste une formation technique. Et qu'il n'y ait pas mille relous, même s'il faut organiser, mais qu'il y ait ce côté-là, plus tard, le service et machin. 40 degrés. Non, on peut faire des films encore à la con et ils sont souvent intéressants. Là, c'est pas le cas, mais arrête, ça peut être souvent être intéressant. Non, si, si, non, mais voilà. Des trucs, il a très peu de fond. Vous savez que pour nous, nous, en tout cas vos potes, ça nous fait plaisir de voir, même si c'est super nul, juste parce que vous êtes nos potes et que ça nous fait mal. Jules était censé être là, il ne l'a pas pu, on est tous très tristes. Voilà, le film aurait redoré son blason. Parce que j'ai fait, c'était là la place. Seul présent de Meiry. Je suis branlé comme juste un truc. Toi, Léo, on te retrouve pas dans Kaamelott. Allez, mais je connais. Allez Titi. Le bon non, on te retrouve. Alors tu nous as dit que t'avais un stage, mais ça sert un petit stage. Ouais, voilà, c'est ça. C'est... Non, un bah stage ouais, pour non, bah moi, pour on me retrouve de Senior, pas mais... vraiment devant des trucs. Moi, non, je fais des trucs derrière la caméra plutôt. Un peu comme Arthur. Quoi, assistant voilà, électro, si Arthur, électro. Moi, je suis électro slash. Bah pour sur des. Après, moi sur des voilà pour des projets entre potes qui n'ont pas de production à gros budget, je suis chef opérateur. Et après dans les projets professionnels non je déconne, il y a des gens qui m'entendent qui me disent oh il a chopé la grosse tête. Non, j'aime être chef opérateur. Après c'est vrai que je fais beaucoup plus de chef électro sur projet entre potes et sinon je suis électro voilà à côté de ça. Très bien. Voilà. Je crois et j'aide mes copains à faire des trucs parce que et tu fais ça bien. Je ouais. sais pas mais en tout cas j'essaye. et ça pourrait être un vraiment une finalité chef op. Bon, après, t'as envie de raconter des histoires, je crois, en tant que réalisateur. Alors là, ça mais... fait un trait personnel. peut-être. Mais... Non, non, ouais, non, mais je oui, demande c'est... juste comme ça. Oui, oui, disons que l'envie la plus grande et la plus rêvée, c'est de raconter une histoire. Après, ouais, professionnellement, mais voilà, c'est toujours un peu. Non, mais bien j'aime sûr. Pas poser ça là, tu vois, parce que ça fait très prétentieux. En même temps, c'est dans tellement longtemps. Disons que j'essaye déjà d'avoir une carrière d'électro. Voilà, non mais c'est ça. Et t'as bien raison d'être pragmatique, hein, je te disais pas. Voilà. Mais oui, t'es pas réel à la place. Ça fait rêver. C'est un parcours logique de toute façon. Comme une bite. Voilà. Ce sera le mot de la fin. En parlant de bite, pour l'actualité. Et vous. Non, mais en fait, depuis la semaine dernière, déjà la semaine dernière, on avait dit. Ce sera le podcast et on refait l'actualité, un podcast. Ce sera l'épisode 3, on verra bien ce que c'est. Alors, l'épisode 3, on le dit tout de suite parce que ce ne sera pas la semaine prochaine, donc pas le 13 mars. Mais ça, vous habituez. Voilà, on va essayer de. On veut pas s'imposer un rythme hebdomadaire. Voilà, c'est très dur à organiser. Ouais, j'en serais bien revenu. Mais alors, comme Arthur et Manu, vous reviendrez c'est évidemment. Pas exclu, yes. Hein. Vous n'êtes pas invité une seule fois, on n'est pas non plus. Yes! Je sais pas qui. Quand on passe une fois, on peut choisir la mère. Une fois que vous êtes passé une fois, oui, vous pourrez choisir le bon, thème. Ça. Non, parce qu'en fait, on va pas rester que sur les années non plus. Merci à Quanknar qui s'est abonné. D'un coup. Moi, je ferais bien l'année 1984. Qui a partagé notre chaîne. Parce que ça avait l'air cool, mais moi, j'ai pas vécu, moi. J'ai terminé sur des petites imitations. Des petits persos comme ça qui arrivent ou. Oula. Alors, c'est. Maintenant que c'est dit, c'est stressant. Non, je sais pas, Léo, quelle est ton imitation phare, par exemple. Je sais pas. Pas une imitation de quelqu'un connu, pas forcément. Ouais, genre, un personnage. Mais... C'est très difficile. Tu sais que moi, j'ai un gros problème, c'est que genre, je sais, par exemple, disons un truc, je sais ce que je peux faire, je sais ce que j'aime, je sais ce qui m'a construit. Et dès qu'on me pose une question, j'oublie tout. Ouais. Tu vois, c'est un truc genre, tu me dis par exemple, c'est quoi ton bouquin préféré, j'oublierai tout ce que j'ai lu dans ma vie et je te dirais, j'ai bien aimé les Monsieur et Madame quand j'étais petit. Mais genre, je me souviendrai de rien d'autre. C'est bien de faire un Fast and Curious comme ça, au moins t'avais deux. T'avais un. Ouais, voilà, c'est ça. Après, bon, lui il a eu PlayStation et Switch, moi, bon. À chaque fois, ils sont déçus, les invités, ils ont jamais les bonnes questions. Moi j'ai eu PC Mac, ça va. Tu veux qu'on te pose des questions ou quoi? On fait combiné en live ou quoi? Hey Hugo Clément, connard. Oh là, c'est sorti tout seul. Wow. Attends, t'as eu Le Blanco ou Anatole Talent, ouais, ou oui, Rolling Stone. Non mais ça va, je fais pas une crise de jalousie. Non mais ta gueule. Ouais. À la fin. Pars de là, c'est bon, on arrête. Mais de tu dois me ramener chez moi. Non mais Léo, t'as juste des goûts de chiottes. Enfin, en tout cas, un petit peu. Ok, alors moi je suis désolé, mais Beatles, Rolling Stones, c'est Beatles, voilà. Oui, moi, je suis bien Rolling d'accord. Rolling Stones, j'ai voilà. Ok, ben on c'est bien, pas. On va se taper. Ok. En tout cas, merci. Il y a eu un regard au-dessus de l'écran. Ouais, il n'y a pas de vanne. Merci à vous deux, Théo, Léo, d'être venus. C'était super merci cool, à franchement, vous. Les gars. C'est un immense plaisir. On en parle à Théo depuis un moment. C'est lui le premier à être au courant du podcast. Léo, non. Moi, tu sais que j'étais au courant par Manu et Arthur qui étaient la semaine dernière. Ouais. Et ils m'ont dit ils vont inviter Théo. Et du coup, je me suis dit putain, faut que je sois là. Et le lendemain, on s'est croisé. Je t'ai vu et j'ai dit Léo, on veut t'inviter. Ça, c'est la grosse fame. Mais vous savez qu'en plus. Oh putain, faut que je sois là. Le truc le plus cool, c'est que genre j'ai toujours rêvé de faire un podcast Et genre même si et genre là environ tu vois, depuis trop que t'écoutes cool. Floodcast non non non avant quand même moi depuis. Mais Floodcast c'est un des plus cool quand même. Et aussi j'aimerais remercier les tous les gens qui nous ont fait des retours du premier épisode parce qu'on oui. a eu vraiment énormément de retours et c'était ouf parce que en vrai ça motive grave à continuer ouais, et tout nous tu sais on ouais. était un peu genre oh, on fait un petit truc comme ça et en vrai on a des retours et des vrais retours et constructifs et tout et très positif malgré merci la beaucoup. Qualité du son précédemment on voilà. espère que cette fois ça ira cette fois normalement ça va mieux on a pris un risque mais en même temps on a pris moins de risques c'est bizarre et non mais voilà. Voilà. Et merci surtout à ceux qui nous écoutent en stream et je qui sont là. moi je continue à faire mes remerciements. À toutes les icos. Non, merci à tous ceux qui nous ont écoutés là en stream et ceux qui nous écoutent en replay aussi, puisque bah, ça marche bien en replay en vrai. Et on est sur Spotify et YouTube. Donc voilà, écoutez-nous c'est un peu partout. Bientôt Apple Music. Et bon, quoi. Il y a personne. Pardon. Non, le truc où on s'était inscrit, la Podmix aussi. Ouais, on a essayé d'autres sites, mais en vrai, Spotify marche bien. Et ouais, cool, on est sur Spotify. Oui, c'est bien. C'est ouais. ouvert. En tout cas, merci à tous, bonne soirée. Est-ce que vous voulez terminer sur une chanson ou pas? Ah oui, ouf. Allez, oui, avec grand plaisir. Je prends le ukulélé. Merci à tous et à la prochaine fois pour l'épisode 3. Merci Jules, à merci bientôt. Clément. Bisous. Merci à vous. Merci à vous. Oh, workout. Powercast, c'est de Powercast. Et moi, la bite qui gratte, j'ai les couilles qui collent. On et a un tous un bémol. J'ai eu zéro en maths. Ce matin, j'ai pas eu de café. Et je suis parti en loose day m'acheter un panini. Je sais pas, c'est l'année 2008.